bienvenue dans tes oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le bilan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Véronique Mir sera de retour avec la lettre I de son populaire Véronictionnaire. Ça existe, mais ça devrait répondre là. Les instructions d'assemblage et la bouffe de la semaine dans nos chroniques maison et la visite virtuelle de David Ferron et Simon Fitzbé. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 13 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hey, Stéphanie! Hey, Mathieu! T'auras jamais vu d'émission avec autant de contenu, mais si peu de personnes présentes en studio. Tabarouette! Parce que la seule chroniqueuse qu'on a en studio, c'est Véronique Mir qui s'en vient dans quelques instants. Ouais! Yeah! Enfin, de retour avec son Véronictionnaire et la lettre I tantôt. Plus tard, on va voir David Ferron. Son frère jumeau anciennement siamois, Gustave. OK. Qui a encore apparemment écrit une lettre qui bon, nous a bon, ça va être encore mélodramatique, là. Je vais encore me faire traiter toutes sortes de noms. D'après moi aussi. Ah non, c'est vrai, c'est moi qui avais traité l'autre de nom. C'est correct. Vrai? Ah, c'est correct, ça s'annule. Ouais, c'est ça. C'est juste pour remettre la stabilité. Donc ça va être vers les 8 heures. On va voir Simon Fitzbé en différé à la toute fin de l'émission. Entre tout ça, la bouffe de la semaine à 9h. Tu nous fais goûter à quelque chose. Et cette semaine, on introduit un nouveau concept dans la bouffe de la semaine encore. Ah ouais? Ah oui! J'ai hâte de voir ça. Te redonner la monnaie de ta pièce, ton 30, pour une pièce. Ah, mais enfin, avoir du change. Pour des jujubes. C'est parfait. On va aussi faire les instructions d'assemblage plus tard. Tout dans un désordre quelconque, parce que c'est pas vraiment dans l'ordre que je l'ai défini sur le site. Mais pour l'instant, on débute avec Véronique Mir, qu'on n'a pas vu depuis minimum un mois. Je crois que c'est au début du mois de janvier. Ben oui, un gros mois. Je m'ennuyais tellement. Mais puis nous autres d'abord. On était instable. Et ouais, impatient. Ah, c'est bon. Voici le Véronictionnaire. Et oui, donc la lettre I bien garnie. Très bien garnie. J'ai été assez étonnée. Je me disais, oh boy, la lettre I. Puis, il y en a pas mal dans le dictionnaire. Puis, sur Internet, évidemment. Donc, on commence la lettre I, lettre de légende. Parce qu'il y a plusieurs mots ou personnages ou lieux connus qui sont légendaires, qui commencent par la lettre I. Donc, personnage connu dans le temps de la Grèce, Icare. Oui, il y a eu des jeux vidéo avec Kid Icarus. Ça, je me rappelle, c'est ce que je sais de Icare. Hein? Il vole. C'est pas lui qui était allé voler trop proche du soleil? Oui, exactement. Donc, Icare ou Icaros, en grec ancien, le fils de Dédale, l'architecte du fameux labyrinthe dans lequel était enfermé le Minotaure. Donc, lui, qui est mort après avoir volé trop près du soleil, effectivement, son père avait lui-même construit figurer ses ailes. Donc, on peut dire que c'est un pionnier de Léonard de Vinci. Ben oui. Dédale. Mais, a connu une triste fin. Vous avez aussi dans les légendes Ithac, l'île de Ithac. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. C'est en fait la ville d'Ulysse. C'est l'île d'Ulysse dont Ulysse était le roi. Donc, dans l'Odyssée, là, il s'en va, il fait toutes ses aventures et il revient plus tard à Ithac. Donc, c'est son île à lui. Et c'est une île qui existe réellement, c'est pas juste une île de légende. Donc, île de la mer Ionienne à l'ouest de la Grèce continentale et au nord-est de la Céphalonie. Voilà. On dirait que je me situe pas trop c'est où quand même, même avec tes indications géographiques. Ça prendrait une map. Ensuite, légende un peu plus contemporaine, cette fois-ci de Tolkien, Isengard. Hein? Isengard, qui est la tour ou l'endroit où se trouvait la forteresse de la Terre du Milieu du méchant sorcier Saruman. Là, j'imagine qu'il avait mis en garde contre le sorcier, là. Ouh, excellent. Et vite ses patins. Hein, Mathieu, t'étais pas attentif, là, je t'arrête de voler ton rôle, là. Ah, Caroline, je vais me faire tasser et demander, ça va être vous autres qui allez animer ça, cette émission-là. Ah, les jokes, c'est bon, ça. Donc, Isengard. Et un petit peu plus étoffé, les Illuminati. Ah ben oui. Hein? Évidemment, les Illuminati. Ben attention à ce que je vais vous dire ici, parce que là, j'ai fouillé un petit peu plus là-dessus. Mais ça reste que c'est vraiment légendaire. Hein? Les Illuminati, là, on ne sait pas exactement si ça existe. Les sociologues disent que ça existe parce que notre société a besoin de croire. Bon, on est tous un peu mythomanes. Là, on a besoin de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Les complotistes aussi là, ont besoin de savoir qu'il y a des gens qui font des complots, etc. Donc, les Illuminati qui sont redevenus populaires après la sortie du livre de Dan Brown, Le symbole perdu. Donc, ils sont une élite dans l'élite. C'est la plus ancienne et la plus secrète des organisations des maîtres du monde. Puis, la plupart des grands organisations ont tous pignon sur rue. Bon, on sait son où. On sait qui fait partie de l'organisation. Mais pour les Illuminati, ben, les membres ne sont pas connus de manière certaine. Mm-hmm. On a des doutes, mais on n'est pas sûr. Donc, on mettrait là-dedans, bon, souvent des familles très riches, capitalistes, issues de la noblesse, comme les Rothschild, feraient supposément partie des Illuminati, les Windsor et les Rockefeller aussi. Oui. Donc, des présidents américains, je pense, quelque chose comme ça là-dedans. Des fois, oui, on a des doutes. Donc, ça a été créé en 1776, l'Ordre des Illuminati, en Bavière, par Adam Weishaupt. Leur projet, à eux, c'était de changer radicalement le monde en anéantissant le pouvoir des régimes monarchiques. La Révolution française puis la fondation des États-Unis, ce serait leur œuvre. Rien de moins. Hein? Ben quand même. Tant qu'à faire quelque chose, tu sais. Selon eux, le peuple est par nature ignorant, stupide et potentiellement violent, donc a besoin de dirigeants pour faire les bonnes affaires. Ah, ils sont au-dessus de tout le monde, ceux-là. Ils prennent pas pour la main. Ah, ouais. Quand même. Leur symbole qu'on retrouve sur le billet de 1$ aux États-Unis, bon, la pyramide avec l'œil là, qui voit tout, déçu. On a beaucoup là, de paranoïa qui embarque là-dedans. Bon, selon les théories complotistes, il y a plein d'autres signes. Donc, tous les trucs, les marques de compagnies, toutes les compagnies de cinéma, etc., qui ont une pyramide ou un œil, ce serait des Illuminati. Notamment Columbia, la maison de films. Columbo, il y a un œil croche. Ils ont mis le logo direct dans la face ça. À lui. Prends pas de raccourci, là, tu vois, directement dans l'œil. Ouais, quand même. Columbia, ben, c'est la femme là, qui tient le flambeau sur un genre de marche. Là, qui là tu parles-tu de la maison de disques là, qui nous court après tout le temps? Ils savent tout le temps ce qu'on est où? Donc, ce serait en fait le faisceau lumineux sur le dessus du. Ben, en fait, la dame tient un flambeau, ce serait l'œil. Et la pyramide serait effectivement la pyramide. Vous avez aussi Paramount, là, bon, qui serait associé. Ensuite, bon, il y a des stars soupçonnées, dont une star qui fait beaucoup jaser toujours, elle porte du steak. Lady Gaga. Donc, en fait, elle ferait plus exprès pour créer le doute, le mystère. On ne sait pas exactement. Elle fait beaucoup de. Elle-même a fait un triangle beaucoup avec ses doigts qu'elle met autour de son œil ou elle va se maquiller un triangle autour de l'œil. Un peu comme dans Orange Mécanique. Donc, même chose. Pourquoi moi, j'ai plus le feeling que les Illuminati, c'est eux autres qui font justement exprès pour ne pas se faire voir, puis ça va être le contraire? C'est plus ceux qui font absolument rien qui devraient être pointés du doigt. Oui, non? oui, souvent, c'est ça. Hein, c'est comme la scientologie, là. Tu veux pas nécessairement en parler à tout le monde. Non, ben ça, c'est assez connu, par exemple. On sait qui fait partie des scientologues. Ça sort, mais je sais pas si c'est eux-mêmes qui s'en vendent, je sais pas. Ouais, dur à dire. Ouais, mais là, c'est pas une question d'être gêné d'eux. Ouais. C'est une question d'être secret, là. Ouais, exact. Donc, vous auriez peut-être Jay-Z, Rihanna, Barack Obama. Bono, etc. Donc, plusieurs stars qui auraient tenté de sortir de tout ça puis qui sont mortes mystérieusement, comme Jimi Hendrix, Jim Morrison, Tupac, Michael Jackson, John Lennon. Mais bon, c'est toutes des suppositions. Quand tu parles de Bono, c'est Jean-Philippe Char. Là. C'est quoi? Jean-Philippe Char, Bono. Là. Ah! Jean-Philippe Char, Bono. Wow! Hein? OK, j'arrive. Hey, hein? Ça m'a pris du temps. Puis en fait, tous les gens qui feraient un M là, avec les doigts, là, donc l'index, le petit doigt puis le pouce, là. OK, donc. Le M de Satan, là, quand on fait toutes des shows rock, là, ben, on serait toutes des Illuminati si on se fie là-dessus. Mais il y a, comme par exemple, Barack Obama qui le fait très, très souvent quand il sort d'un avion. Mais bon, donc voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est des suppositions. Quelque chose de plus réel, mais qui reste quand même un personnage de fiction que j'adore, Indiana Jones. Ah. Donc, je ne peux pas ne pas parler quand même d'Indiana Jones. Avec son fouette. Non. Ouais. On est frères de fouette. Frères et sœurs de fouette. D'après vous, parce que c'est un personnage créé par George Lucas, oui. Est-ce qu'il a été créé avant ou après Star Wars? Avant? J'en ai aucune idée. Je dirais avant. Il a été créé avant, mais il est sorti après. Ah, OK. C'est une question piège, ça. Ben, non, il a été créé avant. C'est bon. Fait que j'ai le point. Hey, c'est même pas un jeu. Ah, oh, zut. Oh. Le premier qui est sorti en 1981, fait avec Steven Spielberg, c'était Les Aventuriers de l'Arche perdue. Le tout premier qui est sorti. Celui-là portait même pas le nom d'Indiana Jones au départ en anglais. C'était seulement la Star Trek Pattern. Ouais. Bizarre quand même. Puis, Indiana Jones est un personnage emblématique de la culture populaire au deuxième rang de l'American Film Institute des 100 vilains et bons de tous les temps, qui est sorti en 2003. Il se retrouve au deuxième rang. Vous avez Atticus Finch, qui joue dans c'est un personnage du film To Kill a Mockingbird, que j'ai aucune idée c'est qui. Ben non. Troisième position, vous avez James Bond. Ben, j'aurais pensé que ça aurait été numéro 1. Si tu m'avais demandé le numéro 1, je t'aurais dit James Bond. Ah! Je connais pas l'autre. Finch. Ouais. Moi non, je me disais, c'est chou. Donc, Indiana Jones en deuxième. Ensuite, vous avez en sixième les plus populaires. Là, je vous les dirai pas tous. Sixième position, Clarice Starling de Silence of the Lambs. Ah oui. Rocky en septième position. Okay. Celle qui a joué dans Alien, Ellen Ripley. Ah ben oui. En huitième. Schindler en treizième. Encore Harrison Ford, un de ses personnages, Han Solo, cette fois-ci. Qui se retrouve en 14e position. Non. Puis ensuite, vous avez plutôt une flopée de héros, là, comme Robin des Bois, 18e, Superman en 26, Tarzan en 39, en 34, pardon, Lassie en 39. Lassie. Oh, quand même, c'est vrai qu'il y a une belle personnalité. Lassie, wouhou! Il ou elle, on sait pas trop. Je pense que c'est elle. Ouais, c'est pas étrange. Ensuite, du côté des méchants, le numéro 1, dans les méchants, Darth Vader. Non, Darth Vader est en troisième position. Et Colin, dans les méchants. L'antagoniste de Clarice Starling. Hannibal Lecter. Oui, exactement. Hannibal Lecter en première place. Et vous avez le tueur dans Psychose, qui est en deuxième place, Norman Bates. Celui qu'on connaît par deux notes. Le requin dans Jaws. Jaws. Il s'appelle Bruce. Bruce! T'en passant. Sérieux? Oui, il s'appelle Bruce. Bruce, lui, le est requin. En 18e position. Oui. Donc, et Freddy en 40e position. En tout cas, vous en avez plein d'autres. Vous irez voir. C'est assez comique à regarder. Donc, pour revenir à Indiana Jones, toutes ses aventures se déroulent au début du 20e siècle sur fond de Première ou Deuxième Guerre mondiale ou encore la Guerre froide. Pour ce qui est de sa biographie fictive, il est né le 1er juillet 1899 à Princeton, dans le New Jersey. Donc, c'est un Américain. De Anna et Henry Jones. Il naît sous le nom de Henry Walton Jones Jr. Très jeune, alors qu'il est encore au berceau, ses parents lui présentent un jeune malamute, là, un petit chien, qu'il nomme Indiana. Et puis, pour se dissocier de son père, qui s'appelle aussi Henry Jones Jr., ben, il se dissocie par le Junior, mais lui, il décide de s'appeler Indiana Jones. Donc, le même nom que son chien. Et son père, d'ailleurs, le taquine dans la dernière croisade avec ça, là, dans le film. Il dit « Le même nom que le chien! » Bon, puis là, son ami rit bien de va chercher, il rapporte. Et le mort. Ouais. Va chercher le crâne de cristal. Ouais, avec aliens. Non, non, celle-là, pas trop avec. Mais Indy, là, c'est pour ça qu'on joue de l'Indy Rock assez fou. C'est en hommage à Indiana Jones, les gens ne savent pas. Mais oui. Ah, c'est bon. Il a découvert l'archéologie en Égypte. Ah, évidemment, c'est berceau de plusieurs passions d'archéologues. Il fait partie de l'armée belge sous le pseudonyme Henry Defense. Ça, c'est hot, hein? Pseudonyme, hein? Offense Defense, là, comme au football. Quand même. Puis ensuite, fait partie des services secrets français. Bon, pour revenir plutôt à l'aspect film d'Indiana Jones, ben George Lucas a eu son idée, puis Star Wars a pris plutôt toute la place, donc il l'a mis au rencard. Il a quand même proposé à un autre scénariste, Philip Kaufman, qui était occupé à faire un autre film, qui l'ont encore mis au rencard. Et bon, en réalisant Star Wars, le premier, lui et Steven Spielberg étaient sur une plage à Hawaï, tu sais, pourquoi pas. Comme les riches le font souvent. Ben oui, là, ils attendaient les résultats du box-office, puis là, ils se disaient, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ensuite? Fait que Steven Spielberg, il dit, ben, j'aimerais ça, moi, faire un James Bond. George Lucas le regarde et lui dit « J'ai mieux les aventuriers de l'Arche perdue. » Donc, voilà, là, ça part pour de bon Indiana Jones. Donc, Spielberg s'était inspiré de Tintin pour créer le personnage d'Indiana Jones. Mais version virile, c'est ça? Oui, sans chien, sans petit chien. Il devait faire un mash-up, la Tintin Indiana Jones. Tintin, peut-être, Indiana Jones. Non. Son compagnon. Non. Et il y a beaucoup de récurrences dans les films, comme par exemple, le premier plan est toujours un fondu de la montagne du logo de Paramount Pictures. Bon, dans ben les encore les Illuminati, là. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est une montagne. Bon, dans les trois premiers films, c'est toutes des montagnes. Sauf dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, ben c'est une motte de terre soulevée par un chien de prairie. Mm. Qui fait comme la montagne. Ils sont vraiment dissociés. Il y a aussi la récurrence. Bon, il va toujours rencontrer une femme. Ça, c'est un clin d'œil à Indiana, James Bond. Et les méchants finissent toujours vraiment mal, comme dans l'Arche perdue. C'est vraiment là, bon, quand ils ouvrent l'arche à la fin, là, puis tout le monde brûle, puis tous les fantômes. Ça donne souvent lieu à des spoiler scènes. Spoiler alert il y a 30 ans. Hein, comment? Oh, maudite affaire. T'arranges pas de temps. Ouais. Puis, George Lucas. Voulait d'abord l'appeler Indiana Smith. Ah, oh, c'est plate comme nom. Hein? C'est ben, Indiana Tremblay. Ouais, Indiana Smith. Puis, comme Chewbacca dans Star Wars, c'est inspiré d'un des noms de son chien, lui aussi, de ses chiens, en fait, qui s'appelait Indiana. Puis Steven Spielberg dit non, non, non, Indiana Smith, là, c'est pas winner, là, on va dire Indiana Jones. C'est un visionnaire. Donc, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, ça a donné lieu à plein de jeux vidéo. Rick Dangerous, Lara Croft serait inspiré de ça aussi. Vous avez Indiana Craig dans Super Paper Mario. Ah, cool! Harrison Jones dans le jeu World of Warcraft, qui serait aussi inspiré de Indiana Jones. Et dans les BD, vous avez Flagada Jones dans la bande à Picsou. ça remonte, hein? Launchpad McQuack. Indiana Ding aussi, un cousin de Dingo. Mon Dieu! Donc... voilà pour Indiana Jones. Cool. Maintenant, d'où vient Internet? Mm-hmm. D'où vient Internet? Oui. Donc, Internet, en 1962, alors que la guerre froide faisait rage, l'US Air Force, oh boy, US Air Force, on reprend ça, a demandé à un petit groupe de chercheurs de créer un réseau de communication qui pouvait résister à une attaque nucléaire. Alors, le concept, c'était vraiment de faire en sorte que peu importe qu'est-ce qui se passe, ce réseau-là va toujours chercher bon, un moyen plus rapide de communiquer avec les autres ou va patienter si jamais tous les réseaux sont occupés. D'où le fait de dire que c'est un réseau hybride d'architecture étoilée émaillée. Le surnom de la toile vient de là. Et donc, l'engin de recherche québécois que personne n'utilise, la toile du Québec. Là. Ouais. Le Pentagone n'a pas donné suite, lui. Il s'est dit, bon, ouais, ça vaut rien, ça, d'Internet. Voyons que c'est ça. Bravo. Donc, finalement, c'est quand même des instituts universitaires qui l'ont repris. Puis, 1969, ça a lancé le tout pour l'Internet. Et le email, lui, a été créé en 1972. C'est pas un I, là. Je sais, c'est un E. Mais bon, le fameux email, 1972, par Ray Tomlinson, encore un Américain. Mode de communication qui permettait l'échange d'infos au sein d'un réseau. Donc, beaucoup plus rapide que le courrier, évidemment. Il ne devait pas s'attendre à ce que ça devienne gros comme ça, là. Ça révolutionne complètement notre mode de vie. Ah oui, non, c'est assez impressionnant. Une chance qu'on a ça, qu'est-ce qu'on ferait sans ça? Les jours où on n'a pas ça, on se plaint toute la journée. Ben oui, vraiment. C'est vrai. On n'a pas contact. Mais regardez, la guerre, ça a quand même apporté des bonnes choses. L'avantage de la guerre. Ouais. Avant de partir en musique, je vais vous glisser un mot sur la compétition. Ben, en fait, si je vous parle de Iron Man, là, j'ai fait un peu spoiler, là, mais... Le Iron Man, il y a le personnage du film, mais aussi l'espèce de grande... Est-ce que c'est une course, mais vraiment intense, le Iron Man aussi? Oui, oui, oui. Donc, c'est un énorme triathlon. Ah, on parle pas de Robert Downey Jr.? Mais non! Le beau Robert Bobby. Donc, c'est un triathlon. En fait, c'est en 1977, il y avait plusieurs... bon, des militaires, toutes sortes de bons sportifs reconnus là, qui faisaient des courses à Hawaï. Puis là, à un moment donné, il y a un homme, un commandant de la US Navy, John Collins, qui a dit qu'il y avait un article qui était sorti récemment dans le Sports Illustrated qui disait que Eddy Merckx, le grand cycliste belge, serait l'athlète le plus fort au monde, le meilleur, parce que lui avait une bonne capacité de consommation d'oxygène. Donc, ça prouvait que les cyclistes étaient les meilleurs. Puis là, ben, les marathoniens étaient pas trop d'accord, les nageurs non plus. Donc, ils ont décidé de départager le tout en créant une course ou un triathlon, en fait. Donc, un triathlon qui disait, bon, swim 2.4 miles, pardon, bike 112 miles, run 26.2 miles, brag for the rest of your life. Ah, mais c'est des chiffres un peu comme au hasard, là. C'est pas des chiffres ronds, là. On a vraiment 112 000. Ouais, ben en fait, repris en canadien avec nos données à nous, c'est nager pendant 3.8 km. Encore pas un chiffre rond. Faire du vélo pendant 180 km, ça c'est plus rond. Et marathon de 42,195 km et vantez-vous pour le reste de votre vie. C'est ça, c'est vraiment le but, là, c'est de pouvoir dire j'ai fait le Ironman. Ouais. Puis c'était vraiment, bon, peu importe qui va finir en premier, ça va être, il va être appelé le Ironman, donc depuis 1978 qui a ça. En fait, le premier homme qui a réussi l'a fait en 11h46 minutes et 58 secondes. Quand même, aïe, aïe, c'est heures. Très, très long. C'est sans arrêt. C'est vraiment intense. Aïe, aïe. Aujourd'hui, c'est 8-9 heures, les records. Quand même, c'est des méchants bons athlètes. Tu prends congé d'un an après ça environ, hein? Après avoir fait la pour toi, parce pour que toi, moi, tu te probablement en trois jours. Ouais. Tu en trois jours. Me semble que je te vois, toi, c'est clair que tu te noies au moins deux, trois fois. Là. J'arrête à chaque McDo que je rencontre. Puis ouais, ça va être vraiment trop long. Ça. Ouais. Ben, la meilleure, en fait, c'est une femme, Paula Newbie Fraser, qui vient du Zimbabwe, mais ce n'est pas une Africaine. Là. C'est une Américaine qui est née là-bas. Huit fois victorieuse du Ironman d'Hawaï. Ah ouais. Et le Ironman, le vrai, est à Hawaï, mais il y en a plein d'autres partout dans le monde. Puis elle en a gagné 23 en tout. Donc, aïe, aïe, méchante athlète. C'est une machine, ça, là. Ouais, ouais, ouais, vraiment. Ensuite, vous avez Dave Scott, l'Américain qui a gagné 6 fois l'Ironman, est appelé, surnommé The Man à cause de... Oh oui, tu l'appelles Monsieur. Monsieur. Oui, Monsieur ou Iron. Pas Ironman, Iron to go. Et son plus grand rival, Mark Allen, aussi un Américain, 6 fois vainqueur également, 5 victoires consécutives à Hawaï. Et lui, son surnom, c'est The Grip. The Grip. On va savoir, il n'y a pas d'escalade, mais bon, The Grip. Donc, voilà. Voilà pour la première partie. On se retrouve avec une deuxième tantôt pour la lettre I. Et là, on s'en va entendre un groupe qui commence par la lettre I. C'est I'm a Robot. Et voici une pièce qu'on va dédier à The Man. C'est Stick It to The Man. That's free and fun. Information you get on the tube from the corporations is straight to you. Medication to keep us numb to the sodomization of everyone. Education to blind and dumb our generation for years to come. Tear it down. I wanna a new life. Ooh, I wanna tomorrow. registered intellectual property of I'm a Robot Incorporated, a subsidiary of Virgin Records and EMI Corporation. Stick it to the man, the I'm a Robot, assemblage requis. C'est toujours la chronique. Le Véronique Sionnaire avec Véronique Mire. Ouais. C'est la lettre I, deuxième partie. Deuxième on a commencé partie. Tantôt. Oui, donc on a parlé avant de partir en pause des Illuminati et Indiana Jones Internet et la compétition Iron Man. Maintenant, je continue avec un site Internet que j'ai découvert, idcadeauquebec.com. Aha! Oui, je connais. C'est intéressant, c'est oui, un c'est beau le site. Fun. Puis j'ai pris une chance, j'ai réécrit. Ben, pour leur demander s'il n'y aurait pas un cadeau pour moi, tu sais, en leur donnant un peu mon profit. T'sais. Si je parle de vous, là, est-ce que vous me donnez? Ben, sait-on jamais. Mais non, en fait, c'est un charmant Uriel, je crois, c'est un, qui m'a répondu merci beaucoup. Pour me dire qu'en fait, la compagnie existe depuis plus de 4 ans, depuis octobre 2009, mais ils sont... le site existe depuis un peu plus de 4 ans, mais ils sont une compagnie depuis octobre 2012. Et eux, ils n'ont pas d'inventaire de cadeaux. C'est pas eux qui vendent les cadeaux, mais ils vous dirigent vers des sites sécuritaires, fiables, protégés, sur lesquels vous pouvez acheter des cadeaux. Donc, vraiment intéressant. Vous avez, bon, les meilleurs vendeurs, des catégories pour hommes, pour femmes, pour la maison, spa, gadgets, jeux de société, par budget aussi, dépendamment combien vous voulez mettre. Des très beaux coffrets prestige. prestige. Oh, ça a failli. Oh, boy, pardon. Très beaux coffrets prestige. Et vous avez des thématiques. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, thématique geek, c'est la première au top de la liste. Terroir québécois, série télé, rangement bijoux, bacon. Ben oui. Une section bacon? Arrête-moi ça. De cadeaux bacon. Star Wars et Canadien de Montréal, bien sûr. Ensuite, dans les guides cadeaux, vous avez Pixar. Cool. Ah, ah c'est fun. Mais c'est fun. Santé et bien-être, bon, tout ce qui est spa et compagnie. La Saint-Valentin, hein, qui va être demain. Meilleur du Québec, gadgets et techno et Noël. J'allais voir un peu plus loin, bon, pour trouver des exemples de cadeaux originaux. Donc, j'ai trouvé pour les chiens une cuvette de toilette pour chiens. Donc, plutôt que mettre l'eau dans un bol, c'est une cuvette de toilette dans laquelle on peut mettre l'eau pour le chien à 20,99 $. Quand même très abordable. Un lit pour chat en canne de thon. Oh, ça, c'est cute! Je trouvais ça mignon. 32,99 $. Une flasque à boisson en format Game Boy. Ah, c'est cool, ça. 19,99 $. Comique, mais un peu triste. Oreiller girlfriend ou boyfriend. Donc, un oreiller avec un bras. Ben oui. En fait, vous couchez dans le creux de l'épaule. L'oreiller girlfriend vaut 26,29 $. Le boyfriend vaut 39,95 $. Il y a un problème quelque part, là. Plus de muscles, peut-être. Peut-être, ou l'offre et la demande. Ou, aïe, aïe, aïe. Je sais pas. C'est injuste. La vie est cruelle. Oh! Vous avez aussi un tank crayon en forme de nez. À 9,99 $. Toujours rêvé de ça tellement drôle. Le tailler crayon en nez, ça a été un de mes rêves de toujours. Et un moule à gâteau en gemme, le pouce de Facebook. Ouais, à 9,99 $ aussi. Fait que c'est un beau petit site, bien intéressant. Des bons prix aussi. Donc, il vous redirige évidemment vers d'autres sites. Donc, idcadeauquebec, tout au singulier, .com. Cool. Ensuite, une autre place que j'aime bien visiter, dans laquelle je peux passer plusieurs heures. En fait, un magasin formé en labyrinthe, si on veut. Ah! Avec des Ikea. Boulettes. Oui, oui, on peut manger des boulettes. Puis oui. Du poisson pané est tellement bon. Le fish and chips, il est vraiment, vraiment bon. Oui, c'est les boulettes, puis capote ces boulettes. Tu mélanges les deux. C'est ta copine prend, prend l'autre bar, puis là, tu mélanges mash-up. Il n'y a personne qui touche à mon fish and chip. Don't touch my fish. Je vais pas essayer le fish and chip prochaine fois, j'essaierai. Ah, oui, oui. Donc, IKEA, c'est 303 magasins établis dans 26 pays dans le monde. Le but d'IKEA, c'est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. Donc, design démocratique, qualité au plus bas prix possible. Donc, eux visitent des milliers de foyers pour voir bon, de quoi les gens ont besoin ou qu'est-ce qui pourrait améliorer leur quotidien. Le premier principe économique du groupe IKEA, c'est d'utiliser ses propres ressources pour assurer sa croissance. Donc, ça veut dire qu'ils ne dépensent pas de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est vraiment de l'argent qu'ils ont eux-mêmes. C'est rare, ça. Quand même. Au niveau de la répartition des magasins dans le monde, ben, il y en a 50 en Amérique du Nord. C'est pas tant que ça. Pas tant, non. Parce qu'il y en a 215 en Europe. Wow. Puis, ils distinguent la Russie sur leur site. Ils en mettent 14 en Russie. La Russie, c'est pas l'Europe, ça? C'est pas mal en Europe. Hein? Ben, c'est les deux. Il n'y a pas une partie en Europe. L'Eurasie, genre. Une partie en Asie. Ça, c'est moitié. Ben, pas moitié-moitié, mais il me semble qu'il y a une partie de chaque bord. Ah, ben. C'est pas ça. Il y en a 19 en Asie et 5 seulement en Australie. En 2013, leur vente totale ont totalisé 40 340 millions de dollars. Ça en fait du cash. Wow! Ça en fait des boulettes. Oui! À votre avis, est-ce que c'est le magasin, les magasins, donc magasinés sur place et tout, ou le magasinage en ligne qui reçoit le plus de visites? Moi, en ligne, ça m'intéresse pas. J'aime ça y aller sur place. Ouais, sur c'est place ça qui est le fun, c'est de vivre par procuration dans des belles maisons. Et encore une fois, manger, là. Fait que, pas vraiment d'avantage à Internet. Oui. Prendre des photos de tes amis qui font semblant d'être sur la toilette puis se cacher avec le rideau de douche ou faire semblant de se verser du thé. Puis là, les gens qui passent à côté sont comme « Mais achetez-vous une vie! » Une petite session de photos de catalogue. Sur ben, en fait, il y a 684 millions de visites en magasin dans le monde, là. Mais 1,3 milliard de visiteurs web. Visiteurs, peut-être pas acheteurs. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est facile d'aller visiter. Pour pouvoir aller en magasin après. Mais quand tu y vas sur place, mettons que tu pars de Trois-Rivières puis que tu y vas, t'es comme, ben, je vais acheter tant qu'à être là. Ben sur Internet, tu peux y retourner tout le temps. C'est comme trop. C'est l'enfer. Tu vas là, moi, j'ai rempli un char. Là. C'est comme mon ami a dit, je vais juste regarder une chance parce que moi, j'ai rempli le temps. Ça, c'est drôle, je vais aller regarder. Oh boy, on achète toujours des petits gugus, ça, c'est sûr. Un sac de boulettes, ça se vend en boulettes en sac. Ouais, c'est vrai. Ouh, j'ai pour vrai? Ben, je les ai fait à la maison, mais pas j'ai. Ma copine, c'est parce que je cuisine pas. Mais les mêmes boulettes, puis il y a la sauce, il y a toute la gueule. Oh, yaya. Ah, ben, calme. Je sais pas s'il est fish and chip, par contre. Mais ça doit être bizarre réchauffé. Ben, ils font leur bouffe, hein, vraiment, là. Live devant toi, Ikea, là. Non, mais j'ai dit, Ikea a sa bouffe. OK. Donc, ça doit être possible d'acheter aussi. Là, j'ai pas les chiffres là-dessus, mais je l'ai vu sur le site Internet qu'il y a tout. Hein. Ils disent mais il y a une épicerie, vraiment, au Ikea. Oui, ben oui. Sauf que c'est à la sortie, puis t'es comme, ah, j'ai encore oublié d'y aller, puis je suis en train de payer. Hey, avec un cornet à 49 cents, c'est vraiment pas cher. Les hot dogs, ils ont tout. C'est super. Les brioches, oh! Qu'est-ce qu'on fait ici, encore? Ah, mon Dieu, ça y est, on ferme tout, on y va. Donc, 60% de la production est européenne, évidemment, parce qu'il y a 215 quand même magasins en Europe. D'après vous, est-ce que IKEA ou de vos connaissances, IKEA est-il en bourse? Est-il coté en bourse? Je connais tellement rien à la bourse. Bah, tu me dis que IKEA préfère ne pas dépenser d'argent sur des affaires. Peut-être qu'ils trouvent pas ça utile d'être en bourse aussi, peut-être. Ou peut-être que c'est là-dessus qu'ils font leur argent. Mais je dirais non, ils sont pas en bourse. Ben, c'est bon. Non, ils ne sont pas en bourse. Donc, le conseiller principal et fondateur d'IKEA, qui s'appelle Ingvar Kamprad, a décidé que le marché boursier n'était pas un bon choix pour IKEA. Comment il s'appelle? Ingvar Kamprad. C'est un Suédois, c'est pas une bibliothèque, ça? Ah, c'est un modèle de bibliothèque chez IKEA. Ouais, la Ingvar, oui, ça, Ingvar, ça, ouais, ça se peut. Ben, ils savaient que eux, ils voulaient avoir une vision à long terme, puis que ben, c'est juste ça qui pouvait assurer la croissance économique de l'entreprise, et ils voulaient pas que ça devienne dépendant des institutions financières. Voilà. Pour la petite histoire, au Canada, le premier IKEA a ouvert en Colombie-Britannique en 1976 dans la ville de Richmond. En 1982, a été construit le IKEA de Montréal à Ville-Saint-Laurent. Ah, c'est vieux. Quand même. 2003, le IKEA de Boucherville. En 2006, ils ont fêté leur 30e anniversaire, évidemment, de l'arrivée au Canada. Au niveau plus général, bon, en 2009, ils ont éliminé complètement tous les sacs de plastique dans les magasins. C'est bien. IKEA du Canada. Ensuite, en 2010, ils ont mis des panneaux solaires sur le toit des trois magasins de l'Ontario pour produire leur propre énergie. En 2011, ils ont progressivement retiré toutes les ampoules à incandescence des magasins. Donc, c'est des fluos compacts qu'il y a partout dans les magasins IKEA maintenant. Et l'année passée, en 2013, ils ont acheté un parc de 20 éoliennes en Alberta. Hein? Oh. Donc, parce que leur objectif d'ici 2020, c'est d'être indépendant au niveau énergétique. Wow. Quand même toute une compagnie, hein, vraiment. Donc, ils vont produire trois fois plus d'énergie que n'en consomment tous les établissements IKEA du Canada. Assez pour fournir en électricité 13 500 foyers canadiens. Quand même pas mal. Ensuite de ça, bon, au niveau du design, pour un bon design, c'est une combinaison de 5 éléments, forme, fonction, qualité, durabilité et bas prix. Au niveau de la livraison, plus de 50% de leurs articles sont livrés directement de l'entrepôt au magasin. Donc, ça évite les frais de shipping, consommation d'essence, etc. Tout le bois aussi qui entre dans la composition des articles IKEA provient de fournisseurs qui respectent la norme de foresterie Highway. Donc, c'est IKEA Way of Purchasing... Home Furnishing Products. Donc, les produits IKEA en matière d'achat, politique IKEA en matière d'achat d'articles d'ameublement. D'ici 2017, ils aimeraient que 50 % de leur bois soit produit par certifié FSC. Comme le Zone Campus. Ben oui, comme le Zone Campus. Ah, eh bien, super. Donc, Forestry Stewardship Council, donc, ou issu du recyclage. Et finalement, au niveau de l'environnement, ben, ils sont en collaboration avec le Better Cotton Initiative. Hey, c'est beau mon affaire en matin? Oui. Ou la WWF, qui n'est pas la World Wildlife Box. World Wildlife Fund. Donc, c'est du coton qui est produit par des Indiens et des Pakistanais qui utilisent moins d'eau et de produits chimiques. Mm-hmm. Donc, voilà pour IKEA. Ce qu'on n'a pas mentionné de IKEA et que je trouve encore meilleur que le poisson et les boulettes, c'est les paniers qui veillent seuls à 360 degrés. Ouais. Est-ce que tu as vu ma vidéo sur Facebook avec le panier IKEA? Non, j'ai pas vu ça. Ben, mon Dieu, ça fait longtemps, là. OK. Je suis une visionnaire des 360. Ah, ben, c'est le but que tu peux faire avec ça. Puis en plus, c'est que ça te permet de suivre les petites flèches qui m'énervent tant, qui font que tu manques aucun produit. A view. Bon, moi, j'aime bien ces paniers-là. Bon, c'est de même. Ensuite, les igloos. Igloo. C'est alcoolique. Un mot inuktitut qui signifie maison. Hein, évidemment, c'est I-G-L-O-O, hein, selon l'ancienne orthographe, mais selon la nouvelle, on accepte le O-U. Ah bon? À la fin. Donc, abri construit en bloc de neige, l'igloo de neige, le plus connu. Et vous avez aussi l'habitation pré-hivernale ou l'igloo de tourbe. Ah. Donc, les deux variantes. C'est les Inuits qui l'utilisaient comme abri temporaire pour les chasseurs. L'hiver, ils vivent pas nécessairement dedans. Là. C'est vraiment abri temporaire pour les chasseurs. C'est lancé des abris tempo, c'est des abris temporaires. Non, pas tant. Peut-être. Qui sait? Donc, excellente propriété isolante de la neige. Hein? On utilise la neige qui a été pressée par le vent, ce qui rend compact les cristaux de glace. Donc, très isolant. Il faut faire attention si vous construisez un igloo pour le faire en spirale avec des blocs de plus en plus petits. Comme vous approchez du sommet. Et l'entrée doit être positionnée le plus bas possible, pas dans le même sens que le vent, dans le sens anti-vent. Pour pas que le vent rentre dans votre igloo et qu'il souffle le toit. Puis faut-tu faire un trou dans le plafond pour le petit feu dans le milieu, là? Ben, c'est pas tant pour le feu que parce que, en fait, puisque c'est très compact, bonne capacité d'isolement. Ouais, aussi. Proche. D'isolation. Ben, il y a beaucoup de dioxyde de carbone qui s'accumule, là, à cause de la respiration, puis vous pourriez suffoquer. Donc, important qu'il y ait un trou d'aération. Ça, suffoquer! Que ça puisse... Dangereux! Ça, suffoquer! Aïe! Dans le détroit de Davis, l'intérieur des igloos est quadrillé de poils... De poils? De peaux de bête! Toi, un matin, là! Ouais, y'en donc! De peaux de bête, donc même par une température de moins 40, je suis vraiment crampée. Au sol, il fait quand même zéro dans un igloo. Fait que c'est quand même vraiment bon. Si vous allez sur YouTube, vous avez plein de vidéos qui vous montrent comment bâtir un igloo. Mais encore mieux sur le site Wixmag. Wixmag.ca, c'est un magazine d'idées pour faire bouger votre préado. OK. Ben, il y a 10 étapes pour construire son igloo en famille. Cute. Donc, moi, j'ai trop peur que ça me tombe dessus et que je meurs comme dans la guerre des tucs. Spoiler alert. Pas pire qu'Indiana Jones de tantôt, là. Personne n'est mort. Ensuite, dans le même ordre d'idée, les Inuktuk. Ça reste un I, ça, j'avoue. Ben oui. Donc, Inuk, qui veut dire être humain, et Suk, qui signifie substitut agissant à la place de. Donc, ça veut dire ce qui a la capacité d'agir comme un être humain. Dans l'art inuit, depuis les années 60, c'est un Inuktuk, c'est une construction de pierre qui adopte la forme humaine. Donc, les Inuktuk servent à indiquer les pistes où sont les caribous, où passent le plus de caribous. Donc, si vous avez plusieurs Inuktuk, ben c'est sûr qu'il y en a qui sont construits juste pour faire beau, là, sur le bord des routes. Hein, quand vous traversez le Canada, il y en a partout. Quand il y en a plusieurs ensemble, ça s'appelle un Naluni. Donc, c'est pour montrer les pistes pour la chasse, également pour indiquer une cache de nourriture. Donc, pour les chasseurs qui se promenaient beaucoup là, dehors, souvent on cachait de la nourriture par terre, sous de la roche. Les limites d'un territoire aussi, ou des repères pour se diriger d'une ville à l'autre. Si, par exemple, la corne de cervidé est posée sur les nuxuk, ça veut dire qu'il y a de la nourriture proche. Le plus long bras indique la direction du village aussi suivre. Donc, quand même assez intéressant. Vous savez que c'était l'emblème des Jeux olympiques d'hiver de 2010 de Vancouver? Oui. Maintenant qu'on y pense, hein? Oui, oui. Ouais. Donc, c'est une interprétation contemporaine de l'inuksuk traditionnel. Donc, ils l'ont nommé le Ilanaak, qui est un mot signifiant « ami » en inuktitut. Donc, c'était le logo qui a été adopté en avril 2005 comme symbole d'amitié, d'hospitalité, de dynamisme et d'esprit d'équipe, ainsi que des vastes paysages du Canada. Oh, c'est beau! Quand même, hein? C'est un beau message. Au Canada! Inuktitut, c'est tout. Et pour terminer, vocabulaire en bref. Donc, mes petites trouvailles dans le dictionnaire avec la lettre I. L'ichnologie. Ichnologie ou ichnologie, là. Ouais, c'est ça, parce que chnol, pas sûr, dans une idée. La chnologie. Ichnologie, c'est quand on reçoit un coup dans les entregents. Le nom nous dit rien, mais c'est la science qui étudie les traces laissées par les animaux. Pistes de déplacement, excréments, restes de nourriture, etc. Donc, pour suivre la trace bon des animaux. Ensuite, vous avez l'ichthyologie. L'ichthyologie, ça, c'est l'étude scientifique des poissons. Ah, bloup, bloup. Bloup, bloup. Bloup, bloup. J'aurais pu pour la poissonologie. La poissonnerie. Oui, ben, pourquoi faire simple? Dans la thématique de la Saint-Valentin, il y a une idylle. Une petite aventure courte, je crois. Mais intense. Mais intense. Ben non, en fait. Ça a trois sens. Moi aussi, je pensais que c'était ça. Puis c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça m'a étonné. On l'utilise comme ça trois dans la sens, vie. Mais c'est pas ça. Mais ça a quand même relié à l'amour. Donc, le premier sens, c'est un petit poème pastoral chantant l'amour. Donc, ça, c'est plat. Deuxième sens, amour tendre et naïf. Ah! Hein? Et oui. Et dernier sens, qui peut peut-être, c'est ça, là. Relation harmonieuse entre individus ou groupe. Ou groupe? OK, donc on pourrait vivre une idylle ailleurs que dans le couple. Ben oui. Ah. Donc, c'est pas nécessairement... On vit une idylle, là, ce matin, là. Ouais. Ben vraiment, là. Je suis tout à fait d'accord. Ensuite, une immixtion. C'est l'action de s'immiscer. Hey boy, votre immixtion, radio. Moi, c'est le téléphone que je reçois souvent, c'est la boîte vocale. Eh ben, t'as une immixtion de radio! Action de s'immiscer dans les affaires d'autrui. Immixtion. OK, comme dans mêle-toi de tes affaires. Ouais, ouais, ouais. Tu t'immisces, mais c'est pas une immission, c'est une immixtion. OK. Ensuite, dire de quelque chose qu'il est infarci, ben c'est un tissu. Infarci? Un tissu vivant atteint d'infarctus. Infarctus! Ah. L'iridologie. Hein? Ouais, excusez-moi, je suis encore si infarci. Infarci, c'est comme une émission d'assemblage requis. Il n'y a pas de farce dedans. C'est une non, je pensais infarci. Plus à Noël. Oh, ma tante a oublié de farcir la dinde. Elle était infarci. Ouais, moi aussi, c'est ça. C'est comme imberbe. J'ai lu ça. Imberbe. Infarci. Tissu qui est atteint d'un infarctus. En fait, un infarctus aussi, c'est une nécrose d'un tissu. Hein, donc, ouais. Ah, OK. Ouais. L'iridologie. Ah, ben ça, c'est ce qu'on a besoin en studio. Des rideaux. Parce que les rideaux sont en train de tomber tout le temps, hein, fait qu'il nous faut de l'iridologie. Là. Oh, ben en fait, c'est une médecine douce qui permet le diagnostic des maladies à partir de l'examen de l'iris. Ah, ben oui. Hein? Bon. Une iule. Ça, c'est bien intéressant. Vous savez, là, l'été, il y a des petits mille-pattes par terre, puis quand tu leur touches, là, ils viennent comme une spirale. Là. Je touche pas à ça, premièrement. Ben, c'est pas un mille-pattes, c'est un iule. Ah. I-U-L-E. Ah. Ben, c'est une sorte de mille-pattes. Et pour terminer, distinction entre ISBN et ISSN. Donc, ISBN, c'est International Standard Book Number, donc numéro d'identification internationale attribué à chaque ouvrage publié. Et le ISSN, c'est International Standard Serial Number pour les ouvrages périodiques. Aha. Donc, les ouvrages qui réapparaissent ont un ISSN. Ceux qui n'ont qu'une publication, parution, sont des ISBN. Puis ISBN, c'est la chaîne de sport aux États-Unis. Ah. Il y en a plein de même. Ah. Puis APTN, ça, c'est la chaîne des autochtones. Le peuple amérindien, c'est ça, exactement. APTN. Ah. Ah. Et ben, il y a CNN. CNN, oui, c'est ça. Ouais, CTV, CBS. NBC. Il n'y a plus de N, là, arrêtez. Donc, voilà pour le vire dictionnaire. Oui. L'énorme lettre I. On n'aurait jamais pensé qu'il y avait autant de mots qui commencent par I. Oui, il y en avait. Dans deux semaines, on va faire la lettre H. H, ça a pris un petit deux secondes pour la trouver, mais quand même, H. Ça, c'est dur, H, parce qu'on dit un mot, puis on pense que ça commence par H, puis c'est une lettre. Ha, ha. C'est un H, ça? Hawaii! Hawaii, oui! Hibou! OK. Humain? Honte? Hurluberlu? Oui. Hashtag. OK, bon, ça va faire. Ouais, voilà. Hashtag, c'est tout. Inuktitut. Merci, Véronique Mire. Ça fait plaisir. Alors, deux semaines. Oui, oui, oui. Les jeudis à 7h30. Avec plaisir. Toujours l'assemblage requis. Dans quelques instants, la chronique. Où est-ce qu'on est rendu à cette heure-là? On est rendu à... Ah, David Ferron s'en vient tantôt. Ah, oh, déjà? Oui. Ben oui, c'est comme ça. On l'annonce à l'avance pour que vous soyez au courant et que vous ne preniez pas un infarctus. Un infarctus. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on est toujours à Assemblage requis en ce jeudi 13 février 2014. Et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. C'est en effet la vérité que tu me dis juste là, à l'instant. C'est super d'avoir des choses vraies comme ça. Ben oui. On a passé un bon bout de temps avec Véronique Mire à dire des choses vraies. Tantôt, on va dire des choses qui sont pas nécessairement vraies dans les instructions d'assemblage, qui est la chronique où tu vas me corriger sur les conseils que je vous donne pour mieux vivre. Ça s'en vient tantôt. On a aussi la chronique de gadget sexe, mais ça ne devrait pas, on l'a. David Ferron s'en vient avec la langue dans ton oreille, mais pour l'instant, voici Mordicus et le Roi Soleil. C'est shiny, shiny, baby. Alors je crois en moi et peut-être en toi. J'aimerais savoir qui contrôle le temps. Vivre selon un plan peut être rassurant. La chair à machine, l'horloge est déconstruite. We'll be right back. Le roi soleil de Mordicus. C'est un palmarès francophone de C'est fou. Palmarès qui joue jeudi après-midi, aujourd'hui à 15h avec Stéphanie et moi-même. Maintenant, quelqu'un qu'on a perdu de vue depuis quelques temps, c'est triste, mais... Des fois, son frère nous écrit pour compenser. T'sais, c'est David Ferron. Il y avait une chronique qui s'appelle « Angle dans ton oreille ». Puis ben, son frère jumeau, anciennement siamois, Gustave, arrête pas de tourner autour de Stéphanie. Mais on va quand même insérer ça dans la chronique de David, « La langue dans ton oreille ». C'est la langue dans ton oreille, mais cette fois-ci, c'est une édition spéciale, la langue dans ton fromage musical. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais vous savez, David et Gustave, son ancien frère siamois, sont tellement indissociables que l'un et l'autre peut faire la chronique de l'un et de l'autre sans aucun problème. Et donc, la langue dans ton fromage musical, c'est une suite à une histoire qu'on vous a racontée il y a quelques semaines de ça. En fait, Stéphanie, tu t'en rappelles probablement, je t'avais lu la lettre d'amour, te demandant de revenir avec Gustave. Ah, ben non, c'était pas une lettre d'amour du tout. Non, c'était pas ça partout, hein? Ben non, c'était une lettre de l'ancienne copine de Gustave. C'est ça. Je me souviens même pas comment elle s'appelle, là. C'est Wiki Hilton. Wiki Hilton. En tout cas, je sais qu'elle m'avait écrit pour me dire que je lui avais volé son Gustave. T'as raison. Et je lui avais répondu que c'était une grosse vache. Puis que dans le fond, Gustave avait seulement écouté son cœur. Exact. Bon, wow. C'était ça l'histoire. Oui, tout à fait. Si vous êtes aussi mêlé que moi, j'espère en tout cas, ben quand même on se comprend au moins. Et là, tout ce que je sais, j'ai pas eu de nouvelles de Gustave depuis vraiment longtemps. Il est parti aux Philippines. Aux Philippines, OK. Ouais. Puis là, ben Colin, je pense que j'ai reçu une lettre de Gustave, là. OK. Là, c'est vraiment une lettre de Gustave parce que ça commence avec « Cher Stéphie » avec un gros cœur à côté. Ah, oh, c'est cute. Fait que c'est sûrement pas son ex, parce qu'elle, elle m'envoie pas vraiment des cœurs. Ben, peut-être, mettons, des cœurs de petits chats là, dans un paquet cadeau plein de sang pour me menacer. Mais là, c'est vraiment un dessin de cœur Saint-Valentin. Peut-être qu'il a pensé à moi pour la Saint-Valentin. OK, bon. Donc, ça va comme suit. OK, je t'écoute. « Cher Stéphie, je t'écris cette lettre. » Ça commence mal. Ah, oh, quel toon. Je suis prêt juste techniquement, mais pas du tout pour le contenu. Chère Stéphie, je t'écris cette lettre assis entre un singe à trois bras et un éléphant rose. Bon. Gustave, arrête les LSD, s'il te plaît. J'aime la vie là-bas, c'est tranquille. Les gens sont adorables et accueillants. Toutefois, entre ces animaux, il manque une déesse du paradis. Stéphie, quand je pense à toi, je me calcine en larmes salées. Ah, il a fait exprès que je dis salé. Salé. Ces larmes, mer méditerranée de mon spleen, me versent dans les flammes de l'espoir se consumant peu à peu en cendres de la peine éternelle. Wow. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rejoindre, tant qu'à te morfondre dans le froid éco-animé avec Mathieu Plante? Pénible. Ton intelligence et ta beauté transcendent le monde. Viens rejoindre le mien. Nous traverserons tous les champs de l'amour que tu voudras. Il n'y aura jamais assez d'hectares pour t'offrir toutes les fleurs du bonheur que tu mérites. Pour la Saint-Valentin, je t'envoie trois chansons d'amour. J'espère qu'en les écoutant, tu penseras à moi. En attendant, je dois aider Gwendoline Becky en pleine crise d'épilepsie. Cette iguane de 3,40 m a trop longtemps regardé l'interface d'iOS 7, je crois. J'ai mal au vent. Sur ce, voici mon bouquet de bisous. Ce bouquet compensera les épines de ton absence me perçant la tristesse. Plein de bec XXXX fois 1000. Okay. Puis c'est signé ton petit Gustounet en cœur d'émeraude et d'érable. Avec un mignon petit chat à côté. Il y a un petit chat dans la lettre. Oh. Wow. Oh, Gustave. Oh, comme la larme à l'œil, moi, là. Je suis vraiment émue. On va devoir écouter de la musique pensant pour ça. On dira ce que c'est après, mais trop triste. J'ai une larme. Tant de questions, d'incertitudes, de convictions, et se dire. Fais-moi, fais-moi, fais-moi, fais-moi, fais-moi, te méprise, qui te mène vers la fin à son rythme et te dit. Oh, boîte à lunch. Pour me donner l'espoir, c'est mieux que la Bible. Des soupers après mes journées dures et ennuyantes, pour que je m'endorme toujours en homme libre. Ton cœur toujours là à m'attendre, indulgent comme une mère de tueur. Oh Jenny, ma lueur. J'suis pas trop fort en affaires comme ceux qui volent avec leur plume. Je n'ai que ma sueur pour toute fortune. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais faudrait encore une fois m'en aller, l'emprunter. Je n'ai que du broyer, du noir, à tout vouloir lâcher. Comme si j'étais d'un concours de courage. Nos seules vacances étaient quand on allait se coucher. Mais laisse-moi dire, ta peau c'est mieux qu'une plage. Et chaque nuit je vais tenter ma chance parmi un grand mariage d'oiseaux. Jenny, mon ange, quand je vois quelque chose de beau, à chaque fois je pense à toi. À mes yeux, t'es la seule de la beauté. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais ça tiendrait d'un petit casseau. D'autres que j'ai, c'est moi. J'essaye de faire en sorte que quand tu penses à moi, tu te dises que t'aurais pas pu trouver mieux. Cette Christie de vie, je l'ai de travers. C'est bien ça le mystère. Comment te fais pour me rendre heureux? Assois mon beau camion, viens te livrer un merci grand comme la mer. Oh Jenny, comme la mer. C'est comme disent les craqués, je vais revenir un jour sur terre. Je serai un chèque en blanc à ton nom. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais c'est pas sérieux parce qu'au fond, tout ce que j'ai, c'est toi. C'était Richard Desjardins et Jenny. Assemblage requis. Avant ça, on a entendu M avec Onde sensuelle. Et au tout début, Rocky Traoré et Aimé, c'était sur la lettre d'amour. C'est ce que nous a envoyé David Ferron. En fait, non. Non, Gustave, c'est ça. Oui. Excuse-moi, c'est facile de les mélanger. Il y en a une moustache. Il ne nous a pas envoyé ça. Il m'a envoyé ça à moi. Toi. Juste à moi, moi, moi. Je suis jaloux, Colin. Ben écoute, je pense que Marie Melon t'avait fait des avances. Elle n'est pas morte, elle. Mais oui, t'avais juste à en profiter. Mais c'est pas mon genre, par exemple. Ben là, t'étais jaloux. C'est l'autre sœur siamoise de David Ferron. Avec Gustave. Avec des mains sur le bout des tétines. Mais tu sais, c'est ça, je la trouve... Ouais, en effet, des petites mains sur les bouts des tétines. Je me rappelais bien de ça, c'est un bon souvenir. Mais, oui, puis elle pouvait allaiter sa portée de chat. C'est exactement ça. Non, j'ai jamais trouvé de mon genre, mais tu sais, elle me faisait des avances. Et tu sais, des fois, tu te laisses tenter par les avances. C'est comme ça. Fait qu'elle j'espère que Gustave te fera pas d'avance comme ça. Non, je sais pas, ce sera pas l'avance. Hein, c'est pas... Mais écoutez, moi j'imagine, mon Dieu, Gustave, tu dois tellement attendre une réponse de ma part. Je sais pas si je suis prête à déménager aux Philippines comme ça. Est-ce qu'il est là pour toujours? On sait pas ce qu'il fait aux Philippines, est-ce qu'on sait? Il s'est sauvé, non, okay. Je sais pas. Présentement, il est entre un singe à trois bras et un éléphant rose. Okay. Il aide Gwendoline Becky, le l'iguane de 3,40 m, ouais. À se remettre de sa crise d'épilepsie. À cause d'iOS 7, bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais, je devrais prendre des notes pendant ces chroniques-là. Parce que apparemment que je suis facile à faire dérailler un petit peu. Dans écoute, Gustave, je pense que je suis pas prête, mais je vais y penser. La porte est ouverte. Mais sache que ça me touche vraiment beaucoup. Oui, je trouve ça émouvant. Je remets vraiment toute ma vie en question présentement. Hein? On va prendre une petite pause, puis on revient après. Mais c'est vraiment dur. « Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à l'émission qui file comme l'éclair. Aujourd'hui, c'est Assemblage requis. On est jeudi, le 13 février 2014. Et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, ça y va là, au toast. Burpin. Oui, puis on est un jour bizarre, le mercredi. Mercredi, ouais. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est ça, c'est nouveau. On trouvait pas la semaine assez longue. C'est la journée où je co-anime avec toi. C'est le mercredi. Oui. Oui, le mercredi. Je pense que c'est bon, parce que sinon, si c'était mauvais, on pourrait faire des jeux de mots plates avec mercredi. Oui. En tout cas. On va continuer tout de suite avec la prochaine chronique sur le plan. C'est les instructions d'assemblage parce qu'on veut savoir comment mieux vivre. Donc, Stéphanie, tu vas m'aider à faire la part des choses. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien, on va te montrer comment ça marche. OK. Steph, tu vas me conseiller évidemment tout le long. Par exemple, est-ce que tu trouves que c'est une bonne recette de prendre un fond de tasse? Là, tu sais, ça dit pas exactement la quantité, là, mais un bon fond de tasse de lait. OK. Ça veut donc rien dire, ça. Ben ouais, c'est ça. Tasse. Mais allez-y, faut y aller relativement. Un quart de tasse, mettons. Mettons un quart de tasse, OK. Avec un petit, une portion, genre un petit mini bol de Nutella, OK. Tu mets ça dans la tasse, tu brasses le Nutella et le lait. T'insères ça dans des bacs, des racks à popsicle. Et tu mets un bâton et ça te fait un popsicle au Nutella. Un fudge, style genre. Ça va bon. Je sais pas si ça fonctionne. Les quantités, je suis pas sûr, mais ça devrait fonctionner. Je sais pas si ça fonctionne. D'après moi. J'ai éparpillé des petites phrases sages tout le long à la place des galettes pour la fin. Là, par exemple, tiens, les trois règles de la vie, nous dit-on. Première règle, si tu t'essayes pas et que tu n'essaies pas d'avoir quelque chose, tu l'auras jamais. OK? Deuxièmement, c'est totalement vrai. Si tu le demandes pas, la réponse va toujours être non. Okay? Et trois, si tu n'avances pas un peu dans la vie, tu vas tout le temps stagner au même endroit. Voilà. Hein? Voilà, c'est les trois règles de la vie. C'est voilà. Beau, hein? Voilà. Ensuite, faites cuire du spaghetti. D'accord? Maintenant, pendant que vous nous écoutez, faites cuire un spaghetti pendant que vous déjeunez. C'est pas grave, c'est pas même long, c'est du spaghetti. Donc, faites-le cuire, remplissez un Ziploc d'un quart d'eau, OK? Et ajoutez du colorant alimentaire. Dompez les spaghettis cuits dedans. Dompez-les dedans. Et ça va faire des spaghettis colorés, par exemple, jaune, rouge, mauve. Et vous pouvez, après ça, mettre ça dans un bol mélangé ensemble. Ça va faire des pâtes multicolores. Ah! C'est cute, hein? Je sais pas si ça t'es fait réchauffer. Peut-être tu mets de la sauce dessus puis tu les manges. Du colorant alimentaire, ça se mange, c'est alimentaire. Ben oui. Faites ça. C'est cool, hein? Ensuite, quand t'as la gorge qui te chatouille. Comme avoir un chat dans la gorge. Genre, gratte-toi l'oreille. Hein? On dit que ça se débarrasse du picotement dans la gorge. Gratte-toi l'oreille. Oh, ça doit être un effet placebo, certain. Probablement. Selon une étude, tiens, la clé d'une nuit de sommeil parfaite, c'est d'aller au lit exactement à 22h, porter des pyjamas, OK, et avoir une tasse de thé à la camomille près de toi et la boire. On dit que c'est la nuit parfaite, en résumé. Ils ont fait une étude avec plein de gens et leur façon de dormir et leur niveau de confort au sommeil. C'est ce qu'ils ont trouvé comme moyenne. C'est la grosse... Ben, ça a du sens. 22 heures, parce que c'est assez de bonne heure pour être ton 7 heures, 8 heures de sommeil. T'es plus assez confortable. OK. 22 heures, ça veut absolument rien dire parce que tu connais pas le train de vie de la personne. C'est tu sais sûr. Pas à quelle heure elle se lève. Tu sais pas combien d'heures elle fait dans sa journée. C'est sûr. Tu sais pas non plus, chaque personne n'a pas besoin du même nombre d'heures de sommeil. Ouais. OK? Si tu travailles de nuit, tu peux pas te coucher à 22h, c'est juste n'importe quoi. Deuxièmement, un pyjama, ça rentre dans le crack de fesse quand tu te tournes. Ça suit pas quand tu te tournes, puis c'est vraiment dérangeant. Arrête de porter un One Piece. Alors, hey, c'est dégueulasse, hein? Un pyjama. Voyons donc. C'était quoi le troisième? C'était de boire de la camomille, du thé. C'est dégueulasse. OK, c'est dégueulasse. Bon, c'est réglé, on oublie ça. On dit qu'il n'y a pas de poche sur les vêtements des femmes pour que les designers veulent que tu continues d'acheter une sacoche. T'sais. Donc, si tu veux vraiment défaire le modèle, ben achète-toi des pantalons avec des poches. T'sais. Ouais, mais de toute façon, les jeans sont tellement pour femmes, c'est tellement fait serré que tu peux pas rien mettre dans ces c'est poches-là. Ça. Un portefeuille de fille, ça rentre pas dans des poches. Exact. C'est juste dérangeant. Surtout, moi, je déteste les sacoches. Je me promène avec mon portefeuille en dessous de mon bras au magasin. Dans la poitrine. Non, mais c'est vrai, je mets tout le temps mon portefeuille en dessous de mon bras. Puis là, à un moment donné, je fais comme « Oh mon Dieu, mon portefeuille! » Ah, il est en dessous de mon bras. Mais pour vrai, quand je magasine au moins 2-3 fois dans mon magasinage, je vais bad tripper parce que je trouve pas mon portefeuille. Parce que je suis tellement habituée d'avoir là que je le sens plus. Il est gros, ton portefeuille, je trouve. Ben, si t'étais plus petit, il serait peut-être plus faufilable dans la poitrine. Dans la poitrine? Dans la poitrine. Mais non, mais pourquoi je mettrais ça dans ma poitrine? À côté de la salade de choux. Je pensais avec que personne ne l'avait vu. Elle se garde ta petite réserve. De... Crémeuse, hein? Crémeuse, ben, bien sûr, mais à volonté. Crémeuse. Si t'es saoul et que t'as vraiment envie de vomir... Vomi, c'est ça, fais-le. Non, c'est de prendre de petites respirations rapides. Ça va aider à te débarrasser de ton envie de vomir. Non, moi, je pense que t'es mieux de vomir. Tu vas te sentir bien mieux après. T'as bien raison. Rends-toi les doigts dans la gorge. C'est ça. Y'a rien là. Non. La salade de choux va ressortir tout de suite. Décider de se mettre la face dans ma poitrine. C'est ça, voyons donc. Si t'as encore envie de vomir une autre fois, c'est pas la même fois, c'est une autre fois, commence à chantonner. À chantonner? C'est avec ta bouche, là, T'as-tu une pièce à nous suggérer en particulier? Je pense pas que j'ai un souvenir de l'air. Ok. Ensuite, tiens, une autre phrase cute. Hein. Les lundis sont pas si pires que ça dans la vie. C'est ta job qui est nul si t'aimes pas les lundis. C'est pas fou, hein? Pense-y. Mais, des fois, si tu fais de l'argent, c'est un petit prêt à payer, des fois. T'es mieux de garder ta job de marde. C'est ça. Pour vivre tes passions à l'extérieur de ton travail. C'est exact. Si t'arrives pas à te trouver quelqu'un dans un magasin d'électronique, tu sais, tu cherches, y a pas de vendeur. Quand même, y a pas de vendeur. Sont où les vendeurs? C'est un fait vécu. C'est là. Un fait vécu. Mets-toi devant une télé ultra chère. Ultra HD, 1080p, 4K. C'est sûr que le vendeur va s'en venir dans 2 secondes. Il va le voir. Ah ouais, les profits? Ah ouais, les commissions? Ah ouais, ouais. T'sais? Mon père avait trouvé le truc, mais il n'a pas fait exprès, okay. En fait. Tu sais, au Canadian Tire, ouais, il n'y a jamais de service. Il n'y a jamais de vendeur. Okay. Je veux dire, c'est long. Faut que tu le cherches. Puis il ne porte pas de chandail rouge, okay. Parce que tout le monde va sauter dessus. Histoire vécue. Mais mon père regardait une perceuse. Mais tu sais, sont toutes là, mais ils ont toutes des fils attachés après avec des systèmes d'alarme. Mais il l'a juste comme un peu touché et le système d'alarme a parti. Oh, le fil a déconnecté. 4 vendeurs. 4 en même temps. Je te le jure. Mon père dit, ben, Colin, je vais en profiter pour poser ma question. Mais c'est vrai, ça a vraiment fonctionné. On a commencé, c'est ça le truc. C'est partir un système d'alarme, ça marche très bien. D'accord. Une autre phrase cute, tiens, c'est beaucoup plus le fun dans la vie d'être complètement ridicule, c'est-à-dire de faire rire de toi, que d'être tellement ennuyant que personne s'intéresse à ce que tu fais. Vu de même. Yeah, sois ridicule, accepte qu'on rit de toi, sois le premier à rire de ta propre personne. Mais oui, l'autodérision, on s'entend-tu que ça rend la vie beaucoup plus légère? C'est ça. Ou légère, selon si vous êtes bon en français ou pas. Ou vraiment poche. Mais non, c'est ça. Être absolument plate, sérieux tout le temps, avoir aucun plaisir dans la vie, t'es la personne la plus plate. Puis Colin, ben, va-t'en. Hein? Va-t'en, je veux pas de toi. Va-t'en. C'est bien pareil, t'sais. Ensuite, tiens, pense à être avec la personne que t'aimes ou que tu sais que t'adores ou que, avec qui t'es en amour, ou juste une amie ou une personne, n'importe quoi. Pense à cette personne-là avant de te faire prendre en photo. Comme ça, ton sourire va être complètement naturel. Oh, c'est cute, hein? Mais pas avant le passeport. T'as pas le droit de sourire. Non, c'est... Puis t'es déjà debout, fait que tu pourrais être dans une situation inconfortable où il faudrait que tu restes assis et caché, t'sais. Des fois, si, dans le pantalon. Ben là, donc, mon Dieu, il a aimé puis aimé. Je sais pas, hein, ça dépend. Tu sais, il y a des gens qui vont penser qu'il faut penser à leur fantasme, dans ce que j'ai dit. Ouais. Une personne que t'aimes ou que t'adores. Je sais pas. Ouais. Apprendre de ses erreurs, c'est sage, mais apprendre des erreurs des autres va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins douloureux. Donc, essayez ça à la place. J'aime ça. J'aime bien celle-là. Tu peux résoudre un labyrinthe assez facilement en gardant ta main sur le mur de droite en tout temps. Dans le labyrinthe, tout le temps sur le mur de droite. Si tu es le mur de droite, c'est sûr qu'un jour, tu vas sortir. Et voilà, c'est simple comme ça. Des nachos pizza. Pourquoi ne pas construire une pizza faite à partir de nachos en dessous? Donc, allez-y avec nachos, fromage, pepperoni, bacon, piment, c'est champignons. C'est juste un nachos, finalement? Non, c'est un nachos à la pizza. Des nachos, c'est juste du fromage, d'habitude. T'sais, là, si t'ajoutes le pepperoni, les piments, les tomates... Des nachos dans un restaurant, c'est pas juste du fromage, ouais, là. Chef. T'as plein de trucs, de la salsa puis tout ça. Puis finalement, c'est juste un nachos. Pas mal ça. Sinon, ça, je trouve une autre bonne recette ici. Et là, il y a des ingrédients que je connais pas, mais je vais aller avec les ingrédients que je connais. Prenez un sac de Fritos. OK? Fritos. Les chips, là? Oui, les chips. Les petites, genre, en vagues. Chips si de maïs. Chips de maïs, exact. Donc, sac de Fritos, saveur originale de préférence. Un petit peu de crème sûre, des tomates en dés, de la salade, de l'avocat, des petits morceaux de nouilles de maïs, les petits chips de maïs là, que tu achètes à l'épicerie en sac. Tu sais, les petits, là, c'est comme juste pour rendre la salade croquante, là. Comme des petits bouts de maïs que tu rajoutes, là, mais en plus des bouts de maïs. Ben, c'est comme des petites affaires jaunes, là, en petite genre de languette. Là, genre... Mais c'est pas du maïs, ça. C'est comment t'appelles ça? Ben, c'est pas, je sais pas, il y a tellement de sortes de nouilles asiatiques, des nouilles asiatiques, là, mais il y en a tellement. Là. Quelque chose de croquant, qui va rajouter un petit peu de croquant et de la salsa et mélanger ça directement dans le sac. Tu sais? Dans le sac, avec de la salsa. Dans tu le manges sac? Ça comment? Ben, tu manges ça avec une fourchette. Dans le sac? Dans le sac. Ben oui. Ouais, mais ça se pique pas des frites de même. Des frites, des chips. Non, mais c'est parce que ça pogne avec la crème sûre. Ça va faire un ensemble. Ah, c'est dégueulasse. Mais non, ça a l'air super bon. Mais non, pour vrai, je vois la photo, ça a l'air tellement bon. Arc. Vous pouvez le faire avec des Fritos et Doritos, des mélanges party mix, n'importe quoi, dans le sac avec crème sûre, salsa, salade. Ah, okay, bon. J'ai vraiment mal au cœur. Ah, OK. C'est dégueulasse. Moi, je l'adorais, celle-là, mais merci de tout gâcher. Mais oui, mais c'est dégueulasse, mon Dieu. C'est une crise cardiaque en sac. Hey, c'est qui fait la malbouffe de la semaine, tantôt? Oups, ben spoiler justement. Là. C'est ça. Les tricheurs. Parles-tu de l'émission de télé? Pas tellement, mais peut-être. Les tricheurs pensent que tout le monde triche. Les menteurs pensent que tout le monde ment. Donc, oubliez pas ça. C'est vrai pareil. Les tricheurs pensent vraiment que tout le monde triche, puis c'est juste normal de tricher, t'sais. C'est vrai? Enfin. Fait que là, je suis mieux de pas dire, ben oui, tout le monde triche. Ben là, qu'est-ce que tu fais, franchement? T'es-tu con? quand une autre phrase sage, si on veut. Quand une fille dit qu'elle va prendre 5 minutes à faire quelque chose, elle utilise la même règle que les gars qui disent qu'il reste 5 minutes à leur jeu vidéo. C'est vrai, le 5 minutes est très relatif. Ah oh ouais, 5 minutes, je suis presque à la fin du tableau. Non, mais moi, c'est mon chum qui utilise les deux règles tout seul. Moi, si je dis 5 minutes, ça me prend 5 minutes. Mais mon chum, s'il dit ça va me prendre 5 minutes à me préparer, ça va y prendre au moins 20 minutes. C'est même, j'y vais léger. Mais c'est vrai qu'un jeu vidéo, oh oui, ce sera pas long, je vais pogner un point pour saver là, comme dans 2 minutes. Là, mais finalement, ça fait 20 minutes, je suis à côté. Je suis comme, hey, c'est parce que je vais regarder la TV, là. Faut qu'ils battent le château puis le monstre à la fin du château pour pouvoir se regarder. Mais c'est de même, c'est pas de sa faute, c'est les compagnies de jeux vidéo qui sont. Dans château, je m'excuse. Non, mon chum joue pas à des jeux, parce qu'il y a des châteaux. Des jeux le fun. Mais c'est parce que c'est pas long à CV quand t'as un château, là. Ben c'est ça, t'as pas joué au plus récent Mario Bros, toi! Assurez-vous que le seau, donc le seau de. Tu sais, ce qui fait que votre porte est hermétique de votre poêle. Le poire, il y a comme un joint sur le côté qui va faire que l'air passe pas. Assurez-vous que c'est la jointure, le joint, est bien fait, parce que sinon, vous allez payer vraiment plus cher l'électricité, nous dit-on. Donc, assurez-vous que le truc autour de votre porte de cuisinière. De four, de cuisinière, de, c'est ça, de poêle, comme on l'appelle. Si vous avez mis trop de parfum ce matin, moi, Colin, je mets tout le temps trop de parfum. Donc, utilisez du remover, du truc pour enlever le maquillage, mais qui est fait avec de l'huile, OK, et qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de senteur, et ça va pouvoir enlever l'odeur de votre parfum, annuler l'odeur du parfum. Je trouvais ça cool. Oui. Et pour terminer, une autre recette, tiens, pour ceux qui aiment les crêpes. En fait, je pense que j'ai pas besoin de chercher trop longtemps pour trouver des gens qui aiment les crêpes. Ouais. Et moi. Donc, versez votre mélange à crêpes, le mettons Aunt Jemima Original, peu importe. Donc, versez ça dans votre... Peux-tu le faire moi-même, mon mélange à crêpes? Tu peux faire ton propre mélange à crêpes, oui. Tu mets ça dans une plaque à petits muffins pour te faire des crêpes aux muffins, des muffins aux crêpes. Et c'est très, très délicieux, nous disons. Et là, tu peux ajouter des saucisses, du bacon, des fruits. Donc, tu mets ça dans un petit mini muffin ou un muffin régulier. Tu vas avoir des crêpes muffins. Ah! Bonne idée quand même, je trouve. Voilà pour les instructions d'assemblage. au retour, la bouffe de la semaine, accompagnée de la malbouffe de la semaine. C'est nouveau, on commence ça, on l'a dit tantôt, donc ben oui. On peut continuer de le révéler. Mais pour l'instant, on écoute Chicken and Clark, parce qu'on aime ça manger, puis on vient de parler de bouffe dans les instructions, pour parler de bouffe dans la bouffe de la semaine. Du poulet. Du poulet, Chicken and Clark. Lederhosen, Lucille et Krista Muir, assemblage requis sur ça. Down the street to meet ya, yeah. I'm close to the tracks. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Notre émission continue à vive allure, toujours à Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Il reste seulement la bouffe de la semaine à faire dans quelques instants. Entre autres, il reste pas juste ça. Il y a une autre petite chose qui va accompagner la bouffe de la semaine tantôt. Mais avant ça, on revient à nos bonnes vieilles habitudes. On faisait ça cet automne, à toutes les semaines. Hey, ça fait longtemps, là. Ça commence à faire, je pense, depuis le début du mois de janvier, donc un mois environ. Ouais, mais ça a l'air de rien, mais écrire des gags poches, c'est long. Ça demande vraiment du travail. Ben oui. Donc voici les péripéties de JP. Les péripéties de JP, épisode 7. JP lors de sa récente formation de directeur général. C'était JP qui se disait très fier de son travail sur le terrain. Je pense qu'on est naïf. Hein? Oh, ben là, moi, je le trouve drôle. On est pas pire. Ça, je le trouve quand même bonne. Tu sais? Mais bon, je suis sûr qu'il était vraiment, tu sais, que... Remix! Oui, c'est ça, j'allais dire, remix. Mais oui. C'est ça, il était parfaitement, en pleine réunion avec ses collègues sur... Ça a l'air de rien, là, mais on n'a pas trouvé ça de même, là, le bruit de la balle et les applaudissements, là. C'est monté, ça, là. Il y a beaucoup de travail derrière ça. C'est de la production, là, vraiment. Oh, c'est fou. Oui. À dépenser tous les budgets nécessaires pour arriver à ses fins. Ça a coûté au moins 3 cents d'Internet. C'est ça, exactement. C'est ça. Si on est capable d'envoyer notre DG en formation de DG grade 3. Grade 3. Donc voilà pour les péripéties de JP. C'était magnifique. Au retour, la bouffe de la semaine. Mais tout de suite, voici AIM et The Wire. The Wire! Assez fou. A Wire! Mathieu, ça m'a marqué. C'était mon gag. Je le sais. Réservé Mathieu Plante. Mathieu Plante. Ouais, ouais. You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do. And it's it. It's the most important part that relationships will go through. And I give it all away. Just so I could say that. But I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind rebel. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I to fake it, but I fumbled. And when it came down to the wire, it felt. know, I know that you're gonna be okay anyway. La dictatrice en chef. 10-06, Néré Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu happy, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mentent. Mais en fait, là, qui boivent de l'eau de coco. Oh, oui, oh, oui! C'est la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis. Ouais! Enfin! La bouffe, mais la bouffe liquide, en fait. Aujourd'hui, c'est le breuvage de la semaine. C'est vrai, comme la nourriture, l'aliment, mais qu'est-ce qui englobe tout là-dedans? Ça se met dans la bouffe, c'est de la bouffe. La bouche de la semaine. On explore les... Aujourd'hui, dans la bouffe de la semaine. On parle de la prémolaire droite. Eh bien oui, aujourd'hui, moi, je vous parle d'eau de coco. Oh, je sais coco. Pas, est-ce que tu as déjà goûté à l'eau de coco? Je suis pas sûr. Sais-tu en fait. C'est quoi de l'eau de coco? Y a-tu comme des grumeaux dedans, genre des petites bulles bizarres? Ben, de ça, si on parle de lait de coco, lait peut-être. De coco. Non, c'est pas la même chose. Là, l'eau de coco, c'est le liquide transparent naturellement présent dans les jeunes noix de coco. Donc, c'est quand elles sont cueillies encore vertes, donc à 9 mois de maturité seulement. C'est hydratant, c'est sans matière grasse, mais source de potassium. Et c'est vraiment populaire. Ça vient comme de sortir sur le marché. Pourquoi c'est pas sorti avant sur le marché? C'est qu'il n'était pas capable de l'exporter sans que ça se détériore, sans que ça perde ses nutriments. Mais là, ils auraient trouvé un système de pasteurisation qui permet d'embouteiller l'eau de coco et de le vendre partout. Comme pour le lait, finalement, pasteurisation. C'est ça. Donc, à l'origine, tout simplement, les gens qui vivent où il y a des cocotiers faisaient tout simplement percer... L'épargne sur les cocotiers... Donc, il faisait seulement percer un trou, insérer une paille et boire l'eau à l'intérieur de la noix de coco. Ben, tu vois, t'allais pas confondre non plus avec l'eau de coco de Chanel. Que ça, c'est un petit peu moins... Ça s'exporte aussi mal. C'est un peu dégueulasse à boire. Ouais. Ça pogne. Ça pogne. Tu sais, ça serre là, dans le mâchoire. C'est ta mère, ça. Un peu. Pourquoi tu... Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Ouais, parle pas contre ma mère, contre Chanel, ma mère. OK, bon. Oh, tu m'as fait perdre un peu le fil. Donc, c'est oui, sûr. Il faisait juste insérer une paille à l'intérieur de la noix de coco pour boire l'eau de coco. Donc, contrairement au lait de coco, le lait de coco, c'est fait à partir de la chair de la noix de coco qui va être pressée. Donc là, on parle vraiment de l'eau. C'est le liquide qui permet la maturation de la noix de coco à l'intérieur avant qu'elle soit mûre. Donc ça, on en parle beaucoup depuis quelques temps pour son pouvoir hydratant. Donc, c'est très populaire, entre autres, chez les sportifs qui veulent consommer ça après un entraînement pour se réhydrater. Donc, au lieu d'aller vers des boissons sportives qu'on connaît, là, pour c'est pas naturel. Donc là, on vise vraiment les produits naturels. Donc, l'eau de coco contient plein de produits naturellement à l'intérieur qui va aider à la réhydratation. Mais là, on s'entend, là, si tu fais une demi-heure de jogging, t'as pas besoin d'aller ailleurs que de prendre de l'eau. L'eau va être suffisante pour te réhydrater parce que ça sert à rien d'aller chercher des calories quand tu viens juste de faire comme une demi-heure de sport. T'as pas besoin d'aller chercher des calories supplémentaires. Donc, on dit que c'est aussi utile en cas de grosse chaleur. Donc, l'eau de coco est appréciée pour son effet hydratant et son fort pouvoir désaltérant. Donc, on dit... Là, tout ce que je dis là, c'est à prendre avec des pincettes. Là. C'est sous toute réserve. Ça va mal. Ça va être difficile à pogner avec des pincettes, là, l'eau de coco, par contre. Oui, effectivement, c'est très coulant. Mais on s'entend, il n'y a pas d'études officielles qui prouvent vraiment les effets désaltérants. Est-ce que c'est vraiment meilleur que l'eau? Est-ce que tu mesures le... À la fin, quand tu as bu. Non, je pense que ça marche pas comme ça. Ils vont plutôt calculer la quantité, soit d'urine qui va être éjectée après avec. Et tout ça, là. Regarde, je peux pas rentrer là-dedans, là. Je suis pas très, très scientifique de ce côté-là. Donc, on dit qu'un tiers de litre d'eau de coco désaltère et rafraîchit le corps comme le ferait un litre d'eau. Wow. Donc, on aurait seulement un tiers de liquide à boire à place de 1 litre. Donc, on dit que l'eau de coco est isotonique. Donc, elle contient autant d'oligo-éléments que notre plasma sanguin. Donc, c'est pour ça que ça serait l'idéal pour étancher sa soif. On dit aussi que ça a un effet drainant permettant d'éliminer la cellulite aqueuse. Et que, comme c'est une boisson isotonique, elle permet de remplacer les ions comme le sodium, potassium, magnésium et calcium... Qui sont perdus pendant le sport. On dit aussi que riche en potassium, elle permet de réduire les risques d'hypertension et le magnésium qui favorise la fixation du calcium sur les os et régule le rythme cardiaque. Donc, on dit à titre d'exemple qu'un verre d'eau de coco apporte autant de potassium que deux grosses bananes et 15 fois plus que la plupart des boissons sportives. On dit aussi qu'elle est facile à digérer, qu'elle régularise la fonction intestinale grâce à la présence de fibres alimentaires et qu'elle optimise aussi la fonction rénale. Rénale pocket. Donc, c'est sans cholestérol. Le taux de sucre est relativement faible, ce qui permet aussi d'être consommé quand même en petite quantité par les diabétiques. Donc, ça, évidemment, c'est pas écrit sur la bouteille. Je suis allée chercher des informations supplémentaires pour comprendre la pertinence de présenter l'eau de coco ce matin. On la voit partout dans les magasins. C'est vraiment en vedette en ce moment, les différentes sortes. Oui, donc, cette ancienne, il y a quand même beaucoup. Moi, j'ai choisi la marque Zico avec une noix de coco verte qui fait le point du i. C'est quand même mignon. La bouteille est bleue. Ça fait très estival, très bleu comme ça. C'est vraiment. On a l'impression de s'hydrater juste à regarder la bouteille. Moi, j'ai pris la saveur originale parce que je voulais vraiment qu'on goûte l'eau de coco. Est-ce que tu te rappelles les autres sortes? C'était café, latte, je crois, et chocolat. Oh. Donc, c'est sûr, ça serait des saveurs à essayer, mais moi, je voulais vraiment qu'on goûte l'eau de coco ce matin. Et par la suite, si on apprécie le goût, peut-être aller vers d'autres saveurs. Mais il faut aussi regarder les valeurs nutritives parce que les autres saveurs, bien entendu, c'est pas les mêmes valeurs nutritives. Il va y avoir plus de calories. Fort probablement plus de glucides. Donc, c'est pas nécessairement ce qu'on veut aller chercher après un entraînement. On dit que c'est une eau de coco pure de première qualité, que c'est fait de concentré avec arôme naturel. Donc, les ingrédients, c'est la liste beaucoup plus courte aussi qu'avec les saveurs ajoutées. Donc, c'est de l'eau de coco concentrée et des essences naturelles. Donc, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. On dit aussi que, comme toutes les marques d'eau de coco Zico, est sans gluten. Oh. Donc, aussi, ça, c'est intéressant. Si on regarde les valeurs nutritives, c'est une bouteille de 414 millilitres. C'est seulement 70 calories pour cette bouteille-là. Donc, c'est quand même pas si grand que ça. Si on regarde une bouteille de Powerade, par exemple, il y a beaucoup plus de calories à l'intérieur. Là. C'est quand même étonnant. Si on le prend pas sans sucre ou réduit en calories, là, donc c'est quand même beaucoup plus calorique que l'eau de coco. Il y a 180 mg de sodium, 610 mg de potassium, 16 g de glucides. On a aussi 4 % de l'apport quotidien de calcium et 15 % de magnésium. C'est aussi une source négligeable de lipides saturés, donc vraiment pas beaucoup, au point qu'ils ne sont pas obligés de marquer le chiffre. Aussi de gras trans, fibres, vitamine A, vitamine C et fer. Donc ça, c'est présent en quantité minime, donc c'est tellement peu qu'ils n'ont pas besoin d'inscrire la quantité. Ça, c'est réfrigéré une fois ouverte et consommé dans les 3 jours. Mais c'est une bouteille assez petite que je pense pas qu'on ait besoin c'est vraiment ça. De ça. Non, c'est sûr, on va consommer ça ce matin. C'est fait par Coca-Cola. Donc, Zico, c'est une compagnie de Coca-Cola. Ah. Donc, un peu plus d'informations. Sur la bouteille, c'est vraiment écrit, t'as un petit bonhomme qui court, c'est écrit source d'hydratation. Là, t'as un gros zéro. À côté, c'est écrit sans gras trans, sans cholestérol. C'est écrit 610 mg de potassium, contient autant de potassium qu'une banane. Donc, c'est ici écrit à côté. 40 mg de magnésium, contient 15 % de la valeur quotidienne de magnésium. Et sans gluten. Donc, on a tous les petits logos. Qui permettent une identification quand même rapide de ce que ça contient, de ce que ça peut nous apporter. Et c'est l'autre coco officiel des Jeux Olympiques. C'est peut-être quelque chose d'officiel, mais il y en a comme 1000 produits qui sont le produit officiel des Jeux Olympiques. Mais oui, l'autre mais coco, si quand tu même. Bois de l'eau de coco aux Jeux Olympiques, c'est la marque Zico. Ça coûte combien ces bouteilles-là de 414 millilitres? C'est quand même dispendieux, je te dirais. Là. C'est un peu plus de 3 $. Je me souviens pas le prix exact, mais je nous ai gâtés. Là. Non, c'est ça. C'est un peu plus de 3 $. Donc, c'est sûr, ça revient plus cher que de l'eau. Prends pas ça chaque jour. Là. Non, si tu prends pas ça à chaque jour, ça te donne rien de toute façon. Sinon, t'aimes ça au goût, ça peut arriver. J'imagine qu'on pourrait triper bien raide dessus. Ouais, c'est ça. Ça reste à voir. Donc là, je viens de voir que ça dit de bien agiter. Donc, agite devant le micro, Steph. Ouais, excuse. La technique. C'est donc le fun comme petit bruit, ça. Donc là, c'est une bouteille. Je vous avertis tout de suite. Ça se peut que j'ai de la difficulté à l'ouvrir. On dirait qu'il n'y a pas de. Ça, c'est fermé qu'un plastique jusque sur le bouchon, mais il n'y a pas de petit pointillé qui me permet de déchirer ça. Mais c'est Coca-Cola, il pourrait se forcer un peu. Probablement que ça va déchirer jusqu'en bas, mais je vais faire de mon mieux. C'est pas grave, je baisse la trame. Ben, ça n'a pas été si pire que non, ça. Non, je m'attendais à pire. Ouais. Je vais rebrasser. Je vais rebrasser. Et je vais ouvrir le bouchon. D'accord. Pas un si grand bruit que ça, c'est juste un bouchon. C'était pas serré, pas en tout, je te dirais, parce qu'il y a le petit. Mais il y a un truc d'aluminium qui ressemble un petit peu aux bouteilles de crémette pour le café. Là, c'est souvent ouvert avec un truc d'aluminium dessus, là, les bouteilles de crème à café. Là. Bref. Je sais pas, je mets pas de crème dans mon café. Ceux qui en achètent. Ça ressemble à ça, donc on va ouvrir ça. Donc je vais rebrasser. À chaque étape, c'est lather, rinse, repeat, comme le shampoing. C'est répéter si désiré. Rien. Oh! Ça fait un squeeze, hein? Un petit squeak! Là, je sais pas si on entend. Là, je sais pas pourquoi je parle en bouteille. Parle la bouteille! M'entendez-vous? M'entendez-vous dans la bouteille? Coucou! Non. Coucou, c'est moi! On entend ça pétille un petit peu? Pas vrai. Non, et là, on entend le bruit de tout l'air ambiant du studio. Allô! Oh! Oh! Non, ça pétille un petit peu. OK, ça va faire. Oui, ça pétille un peu. Et, ça sent un peu le coco. Je pense que c'est normal, mais c'est vraiment léger comme odeur, là. Tel un sondage, c'est léger. Donc, deux verres que t'es allé chercher gracieusement à la chasse-galerie, des verres anti-éclaboussure, anti-dégâts dans notre beau studio. C'est très transparent comme liquide, à ce que je vois. On dirait qu'il y a quand même un petit teint jaunâtre. Ça a l'air gluant, presque. Mais ben, gluant, je pense pas. On va savoir au goût. Donc, si c'est gluant. Es-tu prêt pour t'agorger, Mathieu? Je suis prêt pour m'agorger. Je regarde encore le liquide. On ne voit pas tellement au travers, mais en même temps, le verre est blanc. Mais j'aime beaucoup l'odeur. Je trouve ça doux, léger et appétissant. Un petit sucré, subtil. Là. Sans trop l'être. Donc, première gorgée, attention. Oh, c'est plus sucré que je pensais que ça allait l'être. C'est bizarre, hein? Ah! Oh, je suis pas sûr. Oh, je suis vraiment pas sûr. Je commence à pas aimer ça, là. Ça goûte comme si tu avais fait tremper une noix de coco dans l'eau. Mais c'est vraiment comme de l'eau qui a un petit arrière-goût de coco, là. C'est pas plaisant dans ma bouche, en tout cas, en ce moment. Mais c'est pas gluant du tout, comme tu dis. Oh, c'est très liquide. Non, j'aime pas ça du tout. C'est très, très liquide. Non, c'est vraiment comme de l'eau sucrée. Je sais pas comment le décrire plus que ce que t'as dit. On dirait comme du... Je sais pas. On dirait du... Des mauvaises céréales que j'aurais laissées trop longtemps dans le lait, mais pas la texture, juste le goût de ça. Il y a un arrière-goût. Je sais pas si c'est moi qui capote, là. Mais le goût de sucre, on dirait un arrière-goût de sucre d'orge. Un petit peu. Mais je pense que c'est le seul avantage qu'il y a dedans. Le petit côté sucré à la fin est pas si pire. Mais sinon, ça goûte un peu comme les liquides qui te font boire à l'hôpital avant de te passer des examens. Ah! Pour te remplir l'estomac. Pas un bon souvenir du tout. Une autre gorgée de la part de Stéphanie directement de la bouteille. Je pense que c'est concluant pour nous. C'est pas pour nous. C'est dégueulasse. Non. Je finirai pas mon verre, je pense. Ben non, ouais, moi, je bois pas ça. Là. C'est rare parce que c'est la première fois dans l'histoire jusqu'à maintenant, l'histoire qui a comme 3-4 chroniques, là, on s'en portera pas trop, mais qu'on n'a pas aimé le produit du tout. Écoute, peut-être, je sais pas si ça vaut la peine de boire ça pour les vertus que ça apporte alors qu'il n'y a même pas d'études qui a prouvé quoi que ce soit. Là, c'est, oui, il y a des suppositions, mais c'est pas prouvé à 100%. Je sais pas si ça me donne le goût de boire ça juste pour... des suppositions. Quoi que je m'habitue un petit peu, après avoir pris 4-5 gorgées, le côté sucré est plaisant, mais c'est pas assez pour me gagner. Ben, c'est parce que moi, étant donné que j'ai passé quand même, comme je disais, beaucoup d'examens à l'hôpital, ça me rappelle vraiment, vraiment le goût de certains liquides qui nous font boire de force. Là. Donc, étant donné que ça me rappelle ça, on s'entend que ça me lève le cœur. Ouais. Je suis pas très fan, mais bon, hein, si on veut savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, faut le goûter, faut l'essayer. L'autre coco, je pense, c'est pas très concluant. Il y a comme plein d'arrière-goût étrange. Ça goûte pas vraiment la noix de coco. L'arrière-goût est très, très subtil. Mais il y a un puissant goût de sucre, ouais. Mais un goût comme délavé, si on veut. C'est vrai, très ça. Atténué, mais, ouais. Mais puissant en même temps. C'est quand même difficile à expliquer. Je pense que la meilleure façon, c'est d'y goûter. Peut-être qu'avec les saveurs de chocolat ou de café, peut-être que c'est bon. Mais moi, j'ai l'impression que le petit arrière-goût dégueulasse va tout le temps rester peut-être. Là. Mais moi, d'après moi, c'est pour ça qu'ils ont fait chocolat et café. C'est que c'est deux saveurs qui sont très, très intenses. Donc, ça va venir masquer l'original. Probablement. D'après moi. Donc, c'est la Zico par Coca-Cola. C'est la nouvelle eau de coco disponible en magasin. Et probablement que ça goûte la même chose. Toutes les compagnies, parce que c'est de l'eau de coco faite concentrée. Je veux dire, c'est juste de l'eau de coco, des arômes naturels. Donc, c'est vraiment le goût de l'eau de coco. Donc, c'est pas la compagnie, c'est vraiment l'eau de coco. Tout à fait. Zico est le nom du produit. Maintenant, on passe à la malbouffe de la semaine. Pas d'intro pour ça en ce moment, mais quand même, c'est le pendant un petit peu plus sale après un produit aussi santé apparemment que cette eau de coco-là. J'ai déjà fait le test ici dans une précédente chronique bêta de la bouffe de la semaine. À l'époque, on appelait ça... comment est-ce qu'on appelait ça? Hein? Puis là, on insérait le mot ici, le chocolat de la semaine à l'époque. Ouais. Donc, j'avais amené un sac de bonbons Cadbury qui était du popcorn entouré de chocolat. Tu te rappelles de ça? Ben oui. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir, c'est nouveau. C'est les Crunchums et c'est ce qu'on appelle les grignotines au maïs. Et tu te rappelles les Bugles, les petits triangles, les genres de cônes? Ouais, ouais. Et c'est ça, enveloppé de chocolat. Ah. Ça a l'air assez fantastique. En plus, ça fait des millénaires que j'ai pas mangé ça, ces pour vrai. Cônes-là. Et moi, qui en achète une fois de temps en temps, qui trouve que c'est beaucoup trop cher pour rien, mais quand même, j'adore les Bugles. Grignotine au maïs croquante dans un enrobage chocolaté. Donc, tu vois qu'il précise chocolaté. Des fois, ça a tendance à vouloir dire que c'est pas du chocolat en tant que tel, mais c'est Cadbury. Donc, ça nous dit ici que ça contient du sucre, évidemment, comme premier ingrédient. Farine de maïs, substance laitière modifiée, beurre de cacao. Qu'est-ce qu'il y a? Chocolat non sucré. Donc, il y a quand même du vrai chocolat à l'intérieur. Huile végétale. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant là-dedans? Ça dit que ça contient du lait et que ça peut contenir du soja, du blé et des noix. Donc, faites attention, c'est fait dans la même usine que ça. Il n'y a pas vraiment de détails sur l'emballage autre que le fait que c'est des grignotines Bugles, sans dire le nom parce qu'évidemment, ça appartient pas à la même compagnie. Donc, quand même, mais c'est on le voit par l'apparence. Ils ont fait exprès pour montrer l'intérieur sans chocolat. Ben oui. Pour que tu le vois de très, très loin. C'est les Crunchums de Cadbury. Et donc, on n'a pas énormément de temps pour y goûter. Donc, on va tout de suite ouvrir le sac. Et Stéphanie, je te laisse la chance de nous faire ça comme toujours. Quel honneur, merci. Tant que moi, je crie. C'est écrit déchirer ici. Déchirer ici, c'est bon qu'ils me le mettent comme instruction. Non, mais c'est le fun, c'est écrit voir au verso. Il y a des instructions. Voir au verso! Pour refermer le sac. Okay. Sont tellement manège. Aïe, aïe, refermer le sac, tu me prends pour qui? C'est comme tous les sacs de bonbons quand même, mais bon, on aime ça. Donc, on ouvre les Crunchums de Cadbury, les petites grignotines au maïs. On va voir si on voit dépasser le Bugle ou s'il faut absolument enlever le chocolat avec nos dents pour le voir. J'essaie toujours de l'ouvrir parce que oui, on a déchiré le haut, mais... Tu vois, c'est pour ça qu'il met des instructions, hein, Steph? Ben, je comprends. Prends-toi-en une couple, puis envoie-moi ça. Pas ici. On goûte en même temps, chin-chin à distance. Très chocolaté, premièrement. Mais ça sent quelque chose que je connais, mais que j'arrive pas à identifier. C'est plus petit que je croyais. Ça n'a pas la forme d'un cône, ça a la forme d'une presque d'un mini turtle. Mais ça dépend. Regarde, de mon côté, moi, j'ai un carré, mais il est ouvert. Tu vois l'intérieur. Je vois l'intérieur. On dirait une bouche de monstre brun. Cool, on a envie de se le mettre dans la bouche. Hein? Donc, allons-y. Oh my God! Oh my God, Lord! That's fantastic! Oh mon Dieu, le goût sucré-salé est tellement merveilleusement dosé. Moi qui aimais les bretzels ou pretzels, peu importe, enrobés de chocolat, ça vient de dépasser ça dans ma liste de choix. Ah oui, vraiment. Oh my God, Lord! Ça goûte vraiment... comment t'appelles ça, donc? Comment? Bugles. Les Bugles. Ça goûte vraiment ça. Mm-hmm. Mais le chocolat... Wow, OK. On se partage le sac d'ici la fin de la journée. OK, c'est vraiment jouissif. Une chance que t'as apporté ça parce que mon eau de coco était assez décevante. C'était pour compenser. Et d'ailleurs, je me suis trouvé une petite twist parce que je vais faire la malbouffe de la semaine à chaque semaine après la bouffe de la semaine que tu vas continuer de faire. Et je me suis trouvé comme twist au début de tout le temps trouver des produits qui sont au dépanneur du coin chez moi. Donc, pour l'instant, je m'avance sur des produits qui sont de dépanneur, donc de calibre bonbon pour enfants. Pour l'instant, je changerai de thématique ou d'épicerie à un moment donné. My God. Mais pour l'instant, oh my God Lord, on va avoir du plaisir à la malbouffe de la semaine. C'est vraiment très rapide, mais intense, tu sais. Ah oui, c'était une explosion de saveur et d'intensité, de bonheur. Tellement. Et de sucre aussi. Tu sais, reprends-en donc. Reprends-en. Oh, c'est dur de se rendre. Okay. C'est dur de se rendre. Pauvre oui. Spit. Bref, on va terminer tout à l'heure sur une petite note de fin d'émission. Je sais qu'on va dépasser un petit peu, vous m'en excuserez d'avance. Pour l'instant, voici Virgo avec leur pièce du palmarès francophone, voici Jour de malentendre sur C'est fou. 89. Toujours avoir fini le premier. Laissez de ne pas oublier. Pendant ce temps d'énervement, y'a pour dans les dépasser. Faisons l'effort. Pas peur de ne plus pouvoir s'en aller. Si longtemps, si j'ai encore. Obligé d'abandonner, de torturer, de tempérer, mais menacer d'effacer. Le jour où t'es revenu, mon corps adore mes dangers dans ce trou mort. Ralentour de tout ce qui améliore l'état des autres en dehors. Doubler de savoir avancer, diviser, multiplier, même si on risque d'effacer. Blesser de ne pas oublier, le temps arraché, craché, cache à penser à son passé. c'est passé avec des choses à régler. Obligé d'abandonner, de torturer, de tempérer, mais menacer d'effacer. Virgo et jour de malentendre à Assemblage Requis. C'est là-dessus que se termine notre émission d'aujourd'hui. Hey! On remercie Véronique Mire pour sa chronique Le Véronique Sionnaire. On remercie évidemment David Ferron pour... Gustave Ferron. Colin, c'est difficile. Gustave Ferron pour sa chronique La langue dans ton fromage musical. On remercie à l'avance Simon Fitzbé. Vous verrez pourquoi tantôt. Lundi, l'émission, on va recevoir un joueur ou une joueuse d'improvisation et on ira dans les coulisses de la Luître. On va accueillir une toute nouvelle chroniqueuse directement de l'AGEQTR. C'est Cathy Simon. On va apprendre des choses bonnes à savoir dans le segment C'est un fait. C'est lundi, Assemblage Requis dès 6h30, en direct à partir de 7h30. Merci tout le monde. Merci Mathieu. Merci à tous nos beaux petits requins. Allez voir Sifu.ca pour la programmation complète, hein, qui va continuer tantôt avec les Belles et les Bêtes à 10h et le Dîner de Ton 11h. On va être de retour à 15h pour les palmarès C'est fou. Oui, à ne pas manquer. Ça va être très bon. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On était supposé faire 6, mais ça devrait pas. On l'avait dit en intro, malheureusement. C'est des choses qui arrivent, là. C'est ça. C'est dans un contexte actuel, tu sais. Bref, maintenant, en ce moment, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, tiens, parlant de contexte actuel, disons que c'est là-dessus que se termine l'Assemblage Requis, mais ça n'a pas été une semaine assez facile pour nous autres. Ça a été même particulièrement éprouvant pour la plupart des auditeurs et pour nous. Si vous avez écouté l'émission toute la semaine, peut-être que vous avez remarqué qu'on n'a pas encore abordé le sujet de Roxane, Raphaël et Jessie. Premièrement, parce que bon, c'est difficile d'aborder ce sujet-là dans une émission qui se dit, entre gros guillemets, humoristique. Il serait peut-être mal vu de discuter de quelque chose d'aussi horrible entre une collée de gadgets, mettons, et une dégustation de chocolat. J'en ai un exemple comme ça. Entre-temps, sujet comme juste une autre nouvelle, on avait l'impression de ne pas avoir l'air sincère. Deuxièmement aussi parce qu'on connaît pas les victimes personnellement, donc on se voit mal leur appliquer des compliments, même s'ils sont tout à fait mérités. Bref, notre collaborateur occasionnel Simon Fitzbé s'est offert pour leur rendre hommage et c'est l'occasion parfaite de pour nous d'appuyer à ces sentiments-là. Et c'est Stéphanie qui va nous lire la lettre qu'a écrite Simon Fitzbé. Donc, ça va comme suit. Bonjour les amis. Je suis désolée de ne pas vous avoir écrit dernièrement. J'ai été assez surchargée avec ma maîtrise de le travail. Cependant, je ne vous ai pas oublié. Vous êtes tous dans mon cœur. Vous savez, la peur d'un être cher fait partie de ce qu'on appelle les choses de la vie. C'est une étape par laquelle nous devons tous passer qui comporte son lot d'émotions. Cependant, perdre un être cher dans des conditions aussi ignobles que celles de cette semaine ne fait pas partie de ces choses de la vie. Personne ne devrait avoir à subir un tel drame. Je ne connaissais pas les victimes de cette tragédie et je ne compte pas m'approprier ce deuil qui n'est pas le mien. Ce que je veux faire cependant, c'est offrir mes sympathies et mon support aux proches des victimes, plus précisément leurs amis. Ses collègues et camarades étudiants qui vivent le deuil d'une amie qui est partie trop tôt, sans prévenir, victime de la bêtise humaine. Le deuil est un processus long et douloureux. Je vous invite à le vivre si vous en ressentez le besoin. Aussi, j'inviterai ceux qui, comme moi, ne sont pas directement touchés par ce drame à épauler vos confrères et amis qui ont beaucoup de chagrin. Soyez présents pour eux et aidez-les à passer au travers. Chers amis, chers collègues, vous êtes ici aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes toujours là. N'hésitez pas à vous confier et vivre vos peines. Je vous offre mes plus sincères sympathies et j'espère que cette chanson vous aidera à vivre votre peine. En tout respect, Simon Fitzbé. Et on se quitte avec une pièce de Paul McCartney, une chanson que Paul a écrite en hommage à son ami John Lennon, décédé le 8 décembre 1980. La pièce apparaît sur l'album Tug of War, lancé en 1982. C'est Here Today. À lundi. Bye. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. And I am holding What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand the thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there. With a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today.